Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Au 106.9 Mauricie, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Voici Raphaël Pepin. Bon midi tout le monde, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin, oui, qui vous accompagne jusqu'à 14h pour cette émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Bien entouré encore une fois aujourd'hui avec à la table Claude Boucher aux actualités Cogeco Nouvelles. Salut Claude. Salut Raphaël. Et Mathieu Plante à la réalisation de l'émission. Salut, bonjour Mathieu. Messieurs, bonjour, bonjour. Tout à alors, fait. Premièrement, comment allez-vous? Super. Oui, oui. Passez un beau temps des fêtes. Oui, je te souhaite une bonne et heureuse année 2019 à toi Raphaël. Je l'ai fait ce matin avec Mathieu. On s'est vu ce matin dans la Mauricie se lève. Bonne année quand bonne année. Puis bonne année à toi, Raphaël. Santé, bonheur, puis le reste, tu choisis tes priorités. Oui, certainement. Je pense que c'est le cas. Et on va le faire avec nos auditeurs et auditrices également. Donc, bonne année à vous. Je vous souhaite de la santé, du bonheur. Et je l'ai dit à tout le monde au bureau, de l'accomplissement personnel et professionnel. Oui. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour tout le monde en 2019. C'est gentil. C'est oui. Songé. Certainement. Pas de rhume. Pas de rhume. Pas oui. De microbe. Si possible, parce qu'il y en a pas mal qui courent ces temps-ci. Moi, ma mère, ben, elle n'est pas sur le dos, là, mais elle souffre d'une espèce de rhume mélangé à une grippe qui l'affecte grandement. Alors, je lui souhaite du bon repos, mais ça affecte beaucoup de personnes présentement. Mais ça permet de démystifier le rhume et la grippe, encore une fois. Tout à fait. Est-ce que ta mère est capable de fonctionner? Ma mère fonctionne bien quand elle même. Elle n'a pas la grippe. Voilà. Elle n'est pas complètement sur le dos. C'est ça. Donc, voilà. Demi-grippe. Voilà, exactement. T'es un expert des rhumes et grippes, t'as ça tout le temps, hein, c'est ça? La grippe, ça a l'air qu'on a ça à peu près 2-3 fois dans une vie. Mm-hmm. Puis quand t'as une vraie grippe, là, t'es chez toi, sur le dos, t'es couché, tu peux pas rien faire. Parce que justement, t'es terrassé par le virus. Ce qu'on a, la plupart du temps, 3-4 fois par année, c'est un rhume. Mm-hmm. Des fois, c'est plus costaud que d'autres, là. Comme moi, dernièrement, ça a été costaud. Mais c'était pas une grippe. Mais tu t'en es remis. Oui, mais une grippe, je serais pas venu travailler. Non. Non. On prend pas le risque. Non. Alors aujourd'hui, émission spéciale. Tu veux pas donner ça à quelqu'un, là. Non, effectivement, tu l'as dit, Claude. Alors aujourd'hui, émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. On va vous repasser, comme la semaine dernière, vendredi passé, le 28 décembre, les meilleurs moments de l'émission Que la Mauricie se lève avec Catherine Gaudreau, et également de l'émission Midi Plus avec Robert Pilote. Alors, toutes sortes de sujets pour aujourd'hui, du showbiz, de l'opinion, du sport. On va en avoir même de la politique. On va commencer avec un bulletin de nouvelles. Claude Boucher, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est l'accident survenu hier à Louisville. Oui, parce qu'on a eu de nouveaux détails sur l'état de santé de la personne blessée dans l'accident d'hier à Louisville. L'homme gravement blessé après avoir été frappé par un véhicule sur l'autoroute 40 à Louisville dans la nuit de mardi à hier va survivre à l'accident. Sa vie n'est plus menacée, mais l'homme devrait garder de lourdes séquelles. Il circulait à pied lorsqu'il a été heurté. Auparavant, les policiers ont été appelés par des citoyens qui leur signalaient qu'un homme en état d'ébriété avait pris possession d'un véhicule sans permission. Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec. À une vingtaine de kilomètres de là, des gens qui nous ont appelés pour nous mentionner qu'un homme de 30 ans intoxiqué venait de prendre un véhicule sans permission. Alors, il semble que c'est le même individu s'est enlisé pas tellement loin de la 40 avec le véhicule et est parti à pied et a été arrêté sur l'autoroute. Alors voilà, la vie de l'homme n'est plus menacée, mais devrait quand même garder de graves séquelles de cet accident. Le cellulaire au volant a continué en 2018 de faucher des vies. C'est un des constats établis par la Sûreté du Québec qui rendait public aujourd'hui son bilan routier de 2018. Le cellulaire, c'est un fléau. Christian Paquin, responsable de la sécurité routière à la Sûreté du Québec, est catégorique. Malgré les campagnes de sensibilisation et les amendes beaucoup plus salées, les automobilistes continuent d'utiliser le cellulaire au volant. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de changement. C'est plus de 9 000 constats qui sont émis par année concernant l'utilisation du cellulaire. Les distractions comme le texto tuent maintenant davantage que la conduite avec faculté affaiblie. Et curieusement, le port de la ceinture de sécurité demeure une problématique importante. C'est un geste simple qui sauve des vies. On est passé du double comparativement à l'année dernière, là. On avait 23 victimes dans des collisions mortelles, tandis que cette année, nous sommes passés à 45. La bonne nouvelle dans ce bilan, le nombre d'accidents mortels a légèrement diminué. Il est en forte baisse, 32 % chez les jeunes conducteurs de 16 à 24 ans. Denis Couture, Cogeco Nouvelles, Montréal. On reste dans le même domaine. L'opération Nez Rouge a effectué cette année plus de 55 000 raccompagnements au Québec. Philippe Dumais, l'organisme, dressait le bilan de son opération 2018. Oui, et le nombre de raccompagnements est légèrement en hausse pour cette 35e campagne. Il s'agit de 2 000 raccompagnements de plus au Québec par rapport à l'an dernier. La participation bénévole est demeurée et stable. En tout, ce sont plus de 39 000 bénévoles au Québec pour un total de 50 000 à travers le pays qui ont été mobilisés. À noter que Nez Rouge a franchi le cap des 95 000 utilisations pour son application mobile. C'est que l'application, elle est utilisée à la fois par les bénévoles et les utilisateurs du service. Là-dessus, Jean-Marie Deconin, qui est président fondateur de l'opération. Puis en plus, bien, ils étaient géolocalisés, donc on leur offrait une demande de transport essentiellement dans la région où ils étaient. Donc, ça augmentait l'efficacité du service. Puis aussi, je pense que ce que ça fait aussi, c'est que ça a permis de recruter beaucoup de jeunes bénévoles. Sur la question du cannabis, les organisateurs n'ont pas été en mesure de nous dire s'il y a eu une augmentation en raison de la légalisation. Jean-Marie Deconinck nous expliquait que l'organisme a fait beaucoup de publicité en ce sens et que si des gens n'étaient pas en mesure de conduire en raison du cannabis et qu'ils ont fait appel à Nez Rouge, eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Philippe Dumais. La saison de la pêche au petit poisson des chenaux va bon train et le froid des derniers jours permet aux pourvoyeurs de terminer l'installation des cabanes sur la rivière Sainte-Anne. Les pêcheurs sont au rendez-vous depuis l'ouverture de la saison de la pêche le 26 décembre. Selon le président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Mascotte, les Québécois sont toujours nombreux, mais le poulamon attire de plus en plus d'Asiatiques. On a encore une grosse clientèle de la Mauricie, de Montréal et de Québec. Mais aussi encore notre grosse clientèle chinoise aussi là qui descend de Montréal et Toronto. C'est assez nombreux des fois, ça peut représenter quasiment peut-être des fois 15-20% de notre clientèle sur la rivière. Des centres de pêche vraiment là, ça affiche vraiment des fois complet de clientèle asiatique. Et je termine avec un peu de sport, Raphaël, parce qu'il y aura du hockey doublement sur nos ondes ce soir puisque le Canadien de Montréal reçoit les Canucks de Vancouver. C'est à 19h au 106.9 Mauricie. Ce qui veut dire qu'on déporte les Cataractes sur le FM 106.9.ca, puisqu'à 18h45, c'est l'avant-match. Les Cataractes qui reçoivent les champions de la Coupe Memorial, le Titan de Caddy Batters, pour qui ce sera la seule visite cette saison du côté de Shawinigan. Je termine, puisqu'on parle de hockey junior, Raphaël, Maxime Comtois, l'équipe Canada junior, qui est un des sujets de prédilection sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Des Voltigeurs de Drummondville. Et hier, lors du match quart de finale au championnat mondial de hockey junior, a raté un tir de pénalité en période de prolongation. Le Canada qui a perdu par la suite, son compte Instagram a été fermé parce qu'il a reçu quelque chose comme au-dessus de 500 messages, pour la plupart haineux, après la défaite d'équipe Canada Junior, comme quoi les réseaux sociaux, ça a du bon, mais des fois, s'il y a des côtés pas très, très jolis. Et c'était carrément ignoble. On lui souhaitait la mort, on lui disait « va te suicider, c'est toi qui as fait perdre le Canada, c'est de ta faute ». Il y a un des commentaires, tu l'as dit, qui lui disait d'aller se suicider. Il y en a un qui lui a écrit « je souhaite d'attraper le VIH ». Exact. C'est du hockey. Pas très gentil. Ce n'est que du hockey. Oui, et c'est un jeune de 19 ans. C'est le revers négatif des médias sociaux. Voilà. C'est que autant ça peut être gratifiant et le fun que ça peut être vraiment plate. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Alors, on parle un petit peu de météo pour aujourd'hui. Généralement nuageux, faible neige intermittente cet après-midi avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum moins 8, refroidissement éolien de moins 16 en après-midi. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, neige intermittente avec accumulation de 2 à 4 cm, des vents du sud-ouest à 20 km/h, un minimum de moins 11. Refroidissement et éolien avec moins 18 le soir et moins 11 durant la nuit. Pour ce qui est du 4 janvier, donc vendredi, neige cessant en après-midi, généralement nuageux par la suite avec une accumulation de 2 cm. On va avoir un maximum de plus 1, nuageux pour la nuit avec un minimum de moins 3. Et pour ce qui est de samedi, alternance de soleil et de nuages, maximum moins 1 avec la nuit, nuageux pour 60% de probabilité d'averse de neige avec un minimum de moins 6. Présentement à Trois-Rivières, avec le refroidissement éolien, il fait moins 15. Du côté de Shawinigan, il fait moins 14. Et à Bécancour et la Rive-Sud, on a moins 12. Alors Mathieu, on va commencer avec la première entrevue. Donc, je le rappelle, pour l'émission spéciale d'aujourd'hui, à 12h08, première entrevue avec Marie-Christine Dean. On se reporte le 5 janvier 2018. Alors, on n'est pas, évidemment, le 5 janvier 2019, à l'époque, lors du début de l'année 2018. Dans le bon vieux temps. Ben oui, effectivement, on pourrait se dire ça. Nouvelle année signifie nouvelle résolution et horoscope. Et toute l'équipe de Que la Mauricie se lève s'est entretenue avec Marie-Christine Dean. Elle est astrologue et elle avait donc prévu un petit peu ce qu'allait se passer dans l'année 2018 pour autant Claude Boucher, Serge Allary, Kevin Dupont, Catherine Gaudreau et moi-même. Si je te fais un petit résumé, ça se passait comme ça. Notre collègue Kevin Dupont allait avoir de nouvelles opportunités professionnelles. Claude Boucher allait se blesser, donc littéralement entre le mois de mai et le mois d'août. Serge Allary allait passer 2018 en vacances. Catherine Gaudreau allait quitter son poste d'animatrice. Ben voyons donc. Effectivement, et j'allais avoir un nouveau poste au 106.9 Mauricie. Okay. Tout ça dans la même année. C'est pour ça qu'ils sont tous plus là. Exactement, ils ne sont pas là présentement. Ils vont être de retour, évidemment, sur le coup du 7 janvier. On va se replonger dans les prédictions de Marie-Christine Dean. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Catherine, bonjour. Ça va bien? Ben, ça va très bien. On vous a fait travailler pas mal, hein, je pense, dans les 8, oui. 10, 12 dernières heures. Effectivement, mais je suis prête pour vous. Parfait. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais enchaîner tout de suite avec les béliers. Bon. Alors les béliers, ça va être une année qui va être mouvementée. Il y aurait intérêt de se montrer un peu plus patient parce que les choses ne seront pas toujours simples. Mais chose certaine, c'est l'année pour prendre des initiatives audacieuses, mais restez quand même prudent. OK. Pour les taureaux? Oui, ben ça, alors, c'est... Attendez, Marie-Christine, juste... Qui était bélier dans l'équipe, là? Non, moi, je suis taureau. Non. OK, bon, parfait. Il y a deux taureaux. Moi, je suis sagittaire, mais je peux le prendre. Il y a beaucoup de sagittaires dans votre équipe. Oui, OK. Bon, ben là, vous parlez des taureaux. Claude et moi, on est taureaux tous les deux. Là. Effectivement. Okay. Effectivement. Effectivement. Mais je vous dirai des petites choses pour vous, personnellement. OK. Alors, pour les taureaux, vous êtes à un carrefour de votre destin, de votre existence. Alors, c'est à vous de prendre les bonnes directions. Mais dans l'ensemble, là, c'est une très, très, très bonne année, même s'il y a des changements majeurs qui vont prendre place. Ah oui? Oui, okay. Oui. Pour, d'ailleurs, si je prends pour Claude, ouais. C'est une année pour mettre à profit ses talents. C'est une année aussi où il y a un profond renouement avec la famille. J'aimerais qu'il fasse attention, surtout la période là, de mai à août, là, de, pour pas se blesser, parce que ça va être une période qui va sûrement être très active et exigeante au niveau de sa carrière. Et pour vous, Catherine, bon, écoutez, moi, je vois des gros changements qui vont avoir lieu au niveau de votre carrière. Mais là, on dirait que j'aime pas ça, votre discours, ce matin. Je ne sais pas si, pour une raison ou une autre, que vous allez peut-être regarder ailleurs ou que vous allez vous décider de votre emploi. Okay. Mais est-ce que je peux vous dire, vous allez en retrouver un autre d'aussitôt. Ah oui? Et puis, parce que vous n'êtes pas le genre à rester immobile. La seule mise en garde que je vous dirais, si vous avez à voyager dans des pays étrangers, ouais. Quand vous allez d'une ville à une autre ville, d'être prudent dans vos déplacements cette année. Bon, okay. Mais c'est sûr et certain, vous êtes à un carrefour de votre existence. Okay. Mais je sais que vous allez prendre les bonnes décisions en soi. Bon, alors ça a l'air que mon patron est un peu nerveux. Alors soit qu'on me fout dehors ou que je quitte le 106.9. Catherine, en voyage, tu loueras un Jeep. C'est ça, exactement. Si on poursuit... Pour les Gémeaux maintenant. Ouais, allez-y. Alors pour les Gémeaux, c'est une année qui est quand même satisfaisante dans son ensemble. Bon, je pense que ça va être tous plus centré sur la carrière que les amours. Mm-hmm. Mais faites attention à votre santé, là. À la moindre alerte, là, consultez votre médecin, laissez pas les choses traîner. Pour les petits cancers, ben écoutez, c'est l'année pour briller de tout leur feu. C'est le temps de la prendre, votre place. Les petits cancers, des fois, sont en retrait, sont un peu casaniers, mm-hmm. Mais cette année-là, foncez de l'avant, là, parce que tout est beau pour vous autres. Okay. Je suis cancer. Ah, t'es cancer, ouais. Kevin? Bon. Alors, oui. Alors, pour notre petit cancer qui est Kevin. Ouais. Alors, Kevin, c'est une année de préparation en ce qui le concerne. C'est une année où ces grands projets qui tiennent à cœur, là, moi, je pense qu'ils devraient les mettre de l'avant. Là, sors ça de la poussière, là, puis donne leur forme parce que tout se prête bien. Dès la mi-novembre, d'ailleurs, je pense qu'ils devraient s'attendre à ce qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir surtout pour ce qu'il aura mis en place préalablement. Mais Marie-Christine, je vous devance, je ne suis pas astrologue, mais je vous annonce que dès demain, il y a des portes qui s'ouvrent pour lui ailleurs dans notre réseau. Alors, il y a déjà une bonne nouvelle. Je ne suis pas surprise. C'est l'année pour semer, pour récolter. Bon, formidable. Alors, pour nos petits lions, c'est une bonne année, tant et si longtemps qu'ils sauront maintenir une vie familiale saine. C'est bon pour acheter une maison. C'est bon pour en vendre une. Alors, foncez, vous allez être très satisfait des dénouements. Pour nos petites vierges, alors, les petites vierges, là, ils sont sur le point d'apporter des changements nécessaires dans leur vie, et c'est bien. C'est ça, une c'est bonne Raphaël, année pour nous. Raphaël, t'es vierge, toi? Oui, exact. Okay. Oui, effectivement. Alors, pour Raphaël, ben alors, comme j'ai vu, j'avais écrit ça comme ça, je crois qu'il va se retrouver dans un contexte où un de ses collègues va quitter ses fonctions subitement, pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est moi, ça. Non, c'est peut-être moi. Vous nous créez de l'insécurité, là, Marie-Christine. Mais vous savez, il pourrait quand même se retrouver propulsé instantanément dans une position professionnelle des plus enviables. Je pense qu'il va avoir peut-être une petite hausse de salaire qui va venir avec ça. Mais c'est sûr et certain que sa carrière va se développer dans une direction à laquelle il ne s'attendait pas. Alors, écoutez, ça va lui servir comme un gant. Je suis bien contente pour lui. Mmh, alors, merci. Maintenant, pour les balances, je crois que l'année va être merveilleuse tout au long de l'année, alors que Jupiter leur offre de belles opportunités à saisir. Alors, ne les ratez pas. Puis, ça va être beau pour l'argent en plus de ça. OK. Pour les scorpions, alors les scorpions, ce sont le signe favorisé cette année. Ah oui? Suivi de près par le sud, par le Capricorne. Faites attention pour pas accuser un petit surplus de poids. Mais le succès vous est pratiquement garanti. Alors, foncez devant, mettez les projets que vous avez toujours voulu voir réaliser parce que c'est l'année pour foncer de l'avant. Pour les Sagittaires, on ne se cachera pas, nos Sagittaires, dans les 30 derniers mois, ils ont été un petit peu éprouvés. Puis d'ailleurs, dans votre équipe, là, oui. il y a beaucoup de Sagittaires. Tant qu'à vous, Catherine, vous êtes ascendant Sagittaire. Oui, c'est vrai. Serge, lui, il est Sagittaire. Oui, oui. Kevin, lui, il est Cancer ascendant Sagittaire. Ah, oui. Et Raphaël, lui, il est Vierge ascendant Sagittaire. Hein, alors, comment... Oui, il y a beaucoup de Sagittaires dans votre équipe. Et expliquez-nous, alors, écoutez, Marie-Christine, juste avant, c'est l'ascendant, là, on le détermine de quelle façon? Par l'heure que vous êtes né. OK, c'est l'heure, okay, l'heure de naissance. Parfait. Donc, il y a beaucoup de Sagittaires. Alors, c'est quoi l'année qui est attendue pour Pour les Sagittaires, ce que je peux dire, c'est que vous êtes dans une période de préparation. Alors, si je prends pour Serge, lui, c'est sûr qu'il va réussir à planifier plus d'un projet. Du moins, je l'encourage parce que ça va bouger au niveau de la carrière et surtout vers l'automne. Là, ne me surprendrait pas d'ailleurs qu'il va sûrement avoir un voyage qui va se dessiner à l'horizon. Non. Mais même pour les finances, là, puis la chance, là, ça va être au rendez-vous là à partir du mois de novembre. Là, préparez-vous parce que c'est là que ça part pour les Sagittaires. OK. Pour les Capricornes, alors écoutez, les Capricornes, hein, c'est une année où est-ce que Saturne vient de s'installer dans leur signe. Alors, c'est bon, quand Saturne passe, on dit toujours que Saturne tend à nous porter à faire des remises en question. On se pose tous des questions existentielles. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va dans les années à venir. Tout ce qui est projet à long terme va mieux servir vos intérêts que des projets à court terme. Alors, profitez-en pour ébaucher tous ces plans qui vous tiennent à cœur parce que vous allez sûrement être satisfait des résultats. Les Verseaux, maintenant. Alors, les Verseaux, il n'y a pas personne chez vous qui est Verseau. Non, effectivement. Pour les Verseaux, ça annonce une année de grands changements. Ça va bouger beaucoup au niveau de la carrière, c'est sûr et certain. Et puis, je crois que beaucoup de Verseaux vont être mis à l'honneur. Pour les Poissons, alors écoutez, nos petits Poissons, là, il y en a coup sur les épaules depuis les deux dernières années. Je pense qu'on n'a pas reconnu tout l'eau qui a amené au moulin. Mais ce que je leur dis, là, ben, c'est pas les bons. La récompense s'en vient. Alors, foncez de l'avant. Vous allez être très, très satisfait. D'ailleurs, un voyage n'est pas impossible non plus pour eux. Est-ce que ça fait le tour, Marie-Christine? Est-ce que vous avez fait le tour des... Ben là, j'ai fait le tour, effectivement, de tous les signes. Je peux peut-être vous parler maintenant de M. Trudeau, parce que vous savez, en numérologie, quand on dit le 2018, 2 plus 0 plus 1 plus 8, c'est le chiffre 11. 1 plus 1, c'est le chiffre 2. Le 2, là, c'est une année pour signer des traités. Ah. Alors, c'est sûr et certain qu'il va sûrement avoir... Je vois qu'il va avoir une certaine froideur qui va peut-être s'installer entre lui et ses opposants, okay. M. Trudeau. Mais je suis convaincue qu'ils vont trouver moyen à transiger, à en venir à une entente. Puis si vraiment ça répond pas aux besoins, aux ententes du peuple québécois, il pourra aussi bien aussi se revirer de bord et dire ben, « ça, c'est pas pour nous, non merci ». OK, Marie-Christine, êtes-vous en train de nous annoncer la signature du traité de l'ALENA, vous, ce matin? Parce que c'est sûr et certain que c'est un peu ce que je veux aussi apporter, ouais. Définitivement, mais comme je dis, il n'hésitera pas non plus de poser les questions qui s'imposent, puis il pourra aussi bien aussi se retourner de bord là, si ça fait pas son affaire. Je pense qu'il est rendu à un carrefour, lui, qu'il doit se prouver. Hein. Lui, c'est un Capricorne ascendant Vierge. Okay. Ça paraît pas, hein, c'est un homme qui est fier, mais c'est un gars qui est très timide. Mais cette année, il a pas le choix. Il y a des efforts colossaux qu'il faut qu'il amène à la table, là, parce que je pense que le peuple s'attend à ce qu'il fasse bouger les choses. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, je crois que ça va quand même être très... D'ailleurs, je l'avais dit hein, l'année dernière, j'avais dit qu'à l'automne, qu'il serait sur les projecteurs. Puis on a vu avec l'affaire Khan, là, ça y a fait un petit peu mauvaise presse. Mais n'empêche, il y a Jupiter qui le soutient, parce que je l'ai dit, le deuxième signe favorisé, c'était le Capricorne, et lui, mm-hmm. est Capricorne ascendant okay. Vierge. Alors, Marie-Christine, je rappelle le site Internet, si jamais les gens veulent vous suivre, donc c'est www.astro-logique.com. Il y a également votre guide qui s'appelle Astrologique, ce que vous réserve 2018. Merci d'avoir analysé ça pour nous ce matin. J'ai préparé un petit cadeau pour vos auditeurs. Allez sur le site, puis cliquez sur l'onglet 2018, vous allez avoir toutes vos prédictions. Bon, ben formidable. Merci, Marie-Christine. À vous également. Merci, une belle année à vous. Bonne année. OK, bye-bye. Marie-Christine Dean, astrologue. Fait que si je résume, moi, je perds mon micro. Raphaël prend ma place. Kevin s'en va travailler au FM 93. Puis Serge passe son année en voyage. Je résume ça pour l'astrologie. Oui, alors c'est un bon résumé de la part de Catherine quand même, et je trouve ça intéressant parce que toutes les années, toutes les nouvelles années, on entend justement bon, des nouvelles résolutions, on parle de l'horoscope, est-ce que ça va vraiment se réaliser? Pour ma part, en 2018, ce que Marie-Christine Dean avait prédit, ça s'est réalisé. Raconte-nous donc un petit peu, juste en les grandes lignes, de ce qui s'est passé. En fait, c'est juste qu'il y a quelqu'un ici qui finalement comme a quitté, j'ai pu accéder à un poste dans la hiérarchie organisationnelle qui était un petit peu plus élevé, j'ai eu donc un meilleur salaire qui venait, qui était accompagné à ce poste-là, et finalement ben là, je me retrouve aujourd'hui à ma deuxième fois à l'animation d'une émission, donc au 106.9. Tu remplaces pas Catherine, mais tu remplaces Robert Pilote pendant ces vacances. Ben c'est ça, exactement. Donc finalement, je pense qu'au niveau professionnel, ce qu'elle avait prédit, ça s'est produit. Pour ce qui est de Claude, je pense ne s'est pas blessé nécessairement. Serge a pris des vacances, mais pas tout au long de l'année. Il était malade quand même. Ben c'est ça, exactement. Et Catherine, est bel et bien donc à son poste d'animatrice, va être de retour d'ailleurs le 7 janvier. Ne vous inquiétez pas. Alors, je trouve ça intéressant quand même parce qu'on se pose la question, est-ce que ça se produit? Dans mon cas, oui. Dans certains cas, ça ne se produit pas nécessairement. C'est ça. Moi, elle a fait la même chose pour moi et l'équipe B de Carole Morissette se lève la semaine passée. Ce qu'elle disait, j'avoue, ça me touchait pas mal. C'était vraiment la réalité, la période de changement, tout ça. Je reste un très grand sceptique. Moi, on dirait que, tu sais, je me dis, bon, si quelque chose me touche, c'est que j'ai choisi que ça me touche, t'sais. Oui. Oui, effectivement. C'est du hasard un petit peu où tu prends ce qu'elle te donne qui fit avec toi. Je reste quand même sceptique. Pardon. On reste sceptique, mais quand même, on vous souhaite une belle année 2019. Et on vous souhaite en fait d'être toujours avec nous au 106.9 Mauricie pour nous écouter dans nos émissions respectives Que la Mauricie se lève et Midi Plus. Il est midi 21, on revient après la pause dans 3 minutes et on va se reparler d'une entrevue qui a fait réagir entre Robert Pilote, Régent Tremblay et le Dr Mayou. Il jasait donc du combat qui se tenait au centre Gervais Auto, combat qui opposait Simon Kane à Adam Braidwood. Ça a fait réagir. On s'en parle de ça dans 3 minutes. Votre radio. Demain, 6h, c'est Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier, Marc-Antoine Nouniez et Mathieu Plante. Pendant les fêtes, soyez informés sur tout ce qui se passe en Mauricie en écoutant Que la Mauricie se lève dès 6h. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin. Seulement au 106.9 Mauricie. Midi 25, re-bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin et Mathieu Plante qui vous accompagnent jusqu'à 14h dans cette émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Alors, meilleurs moments de l'émission Que la Mauricie se lève et de l'émission Midi Plus. Alors, on va commencer par introduire en fait la prochaine entrevue. Dr Mayou, Régent Tremblay et Robert Pilote. Ils ont eu la chance justement de parler du combat entre Simon Kane et Adam Braidwood. On le sait, en Mauricie, il y a plusieurs boxeurs. En Mauricie, et même, on pourrait agrandir ça à Centre du Québec. On a la chance d'avoir d'excellents boxeurs qui s'illustrent à travers la province. On pense notamment à François Pratt, Michael Zouski et bien sûr Simon Kane. Et Régent Tremblay et le Dr Mayou en avaient parlé lors de l'émission Midi Plus du 15 juin dernier avec Robert Pilote. On le sait, les deux sont des amateurs de boxe. Ils assistent à tous les galas et ils aiment se confronter dans des débats qui entourent le monde de la boxe. Alors les deux avaient commenté la tenue du combat entre Simon Kane et Adam Braidwood, qui, on se le rappelle, Mathieu, c'était Simon Kane qui en était sorti grand vainqueur, avait projeté Adam Braidwood au sol. Et je dois dire que c'était un combat qui était assez enlevant. Moi, j'étais au centre Gervais Auto cette soirée. Là, et je dois dire que l'émotion était à son comble quand Simon Kane a réussi à mettre KO justement son adversaire Adam Braidwood. Ça a été toute une, je pense en fait, tout un événement dans le domaine sportif. C'est presque à Shawinigan. On pourrait dire le Boxing Day. L'événement Boxing Day se poursuit au 106.9. On pourrait dire, exactement. Alors, le 16 juin dernier, se tenait le combat au centre Gervais Auto de Shawinigan. Et justement, Régent Tremblay et le Dr Mayou en avaient parlé avec Robert. Voici ce que ça a donné. ça va brasser dans les prochaines minutes. C'est un gala de boxe qu'on attend depuis longtemps. Ça va se passer à Shawinigan. Moment historique pour plusieurs. Shawinigan qui organise ça demain de maître d'ailleurs et qui réussit à faire parler de la ville un peu partout à travers le Québec, je vous dirais même à travers le Canada et peut-être même à travers le monde entier. Voici donc les deux pugilistes maintenant qui vont venir à moi dans le coin droit. Voici nul autre que le Dr Maillot. Bonjour Pierre. Robert. Et dans l'autre coin, nul autre que Régent Tremblay, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal. Régent Tremblay, bonjour. Poids léger contre poids lourd. C'est on qui... abuse de son anatomie. C'est qui le poids lourd? C'est Régent. Ben, c'est moi, voyons. Ah, OK. Non, non, mais peux... parce que là, ça va être un combat intellectuel, là. Oui, alors il y a un poids coq, un poids coq contre deux poids lourds. Bon, alors écoutez, messieurs, d'abord, vous ne vous cachez pas que vous appréciez la boxe. Vous êtes vraiment des gars qui allez voir les matchs de boxe ensemble. Vas-y, Roger. Ah, ça fait, moi, je dirais, au moins 4-5 ans que le doc, je l'ai invité, je sais même pas où la première fois, mais comment je te dirais ça, donc. Dès le départ, il a regardé un match de boxe différemment de ce que je peux le faire comme journaliste. On dirait qu'il a intégré le sport presque en deux rondes, c'était réglé. Puis pas des rondes de finale, de préliminaire. Déplacement du poids, transfert, jeu de jambes, force physique, résistance. Et d'ailleurs, moi comme journaliste, à part la demi-finale puis la finale, il faut que je confesse que j'ai quasiment pas le temps de voir les combats. Je fais ce qu'on appelle le plancher. C'est-à-dire, il y a des promoteurs, il y a toutes sortes de monde. Et Pierre, lui, il s'installe là, puis vous pouvez le déranger entre les rondes, peut-être. Entre les combats, oui. Mais sinon, si vous voulez prendre un selfie, ben avoir un autographe, attendez après le combat. Pourquoi Pierre tomber en amour avec le sport? Ben, écoute, c'est une activité, d'abord, c'est une des rares activités masculines qui reste. Oui, il y a quelques femmes qui pratiquent la boxe, mais c'est un sport masculin. Deuxièmement, c'est le sport le plus exigeant sur le plan physique et de l'entraînement. Les joueurs de hockey, là, je suis pas sûr qu'ils feraient 3 rounds de boxe. À ce point-là. Il mourrait avant le 4e. Oui. Il s'éteindrait. Bon, il y a une chose là qu'on doit se dire maintenant. Il y a une belle campagne de promo autour du combat là, mais est-ce que c'est monté de toutes pièces par les miracles du marketing ou on est vraiment en présence d'un combat qui risque de devenir historique à tour de rôle, messieurs? Ben, moi, je pense que la mise en marché, faut pas. Il y a quoi comme mise en marché? Des pubs payés dans le Journal de Montréal, puis des spots à TVA Sport, peut-être, mais le reste, là, ça, c'est le combat qui nourrit. Moi, là, je suis allé à Edmonton, puis après ça, je suis allé à Victoria, sur l'île de Vancouver, puis je suis allé à Parksville, où Adam Braithwaite s'entraîne. Pas fait ça pour la promo, il fait ça pour le Journal de Montréal. C'est pour écrire, je pense, des textes qui allaient plus loin que les quatre quotes du Canadien, là. Le puck roulait pas pour nous autres. On essayait fort, puis le goaler a été trop bon, puis on n'a pas été chanceux. Bon. Mais, je veux dire, moi, là, Braithwaite, je suis allé voir avec dans son appartement où il n'y a même pas de frigo, parce qu'il n'y a pas le moyen de se payer un frigo. D'après ça, je l'ai suivi. Puis, Simon Keane, ça fait longtemps que je suis Simon Keane. Puis Pierre connaît Simon Keane, puis Pierre a connu Braithwaite. À moins que je me trompe, à Québec, c'est plus qu'un an. Oui, mais je l'avais juste vu. Je n'avais pas eu l'occasion d'échanger avec. Seulement croisé. Oui, je l'ai croisé. Puis en plus, entre-temps, il y a eu la naissance de Punching Grace. Cette semaine, là, c'est pas de la promo, là, mais le Canadien s'est fait éliminer. Non, pas le Canadien. Le Canadien, c'est 4 mois. Très 6 mois, c'est éliminé. Non, 8 mois. Depuis le mois de novembre. Oui. Mais je veux dire, à partir du moment où les Caps de Washington ont gagné, tu sais, des fois, là, dans la vie, ça prend le break. Washington a gagné la Coupe Stanley le jeudi soir, alors que tout le monde espérait que ça rentre jusqu'à mercredi à TVA. Sauf que quand le but vainqueur a été compté là, à 11h15 le soir, il se retrouvait que là, il n'y avait plus d'hockey. Et Julie Bertrand, la patronne de Punching Grace, avait livré le jour précédent ou livrait le lendemain deux documentaires qui sont allés tourner à Vancouver, à Victoria, à Edmonton, puis avec Simon King, ils l'ont accompagné jusqu'à Londres. Ouais, ce que ça fait, c'est que la ville de Shawinigan, puis la région de la Mauricie, a bénéficié de 22 demi-heures de télévision. 22. Ouais, les documentaires, demain, avant le combat, ils auront passé 11 fois chacun. Normalement, ça passe 4 fois. C'est 2 fois TVA Sport, 2 fois TVA Sport 2. Mais là, il n'y avait plus rien du jour au lendemain. Ils se sont retrouvés en quête. Mais le monde dit, hey, c'est toute une promotion. C'est quoi une promotion? Ils n'ont pas payé une scène pour avoir ça. Un échange de pub, merci, bonsoir. Pierre? Mais les circonstances ont donné ça. Ben, écoute, c'est clair que c'est un combat de titans, Robert et Réjean. C'est un combat de colosse. C'est presque inédit dans le monde. Des individus de 6 pieds 4, 6 pieds 5, 245 livres de muscles. Ouais, 240 livres minimalement de muscles. C'est un événement. C'est l'événement de l'année. Je pense que c'est l'événement de l'année au Canada. En plus? Oh oui. C'est pas banal. Il n'y a pas eu de combat de cette envergure-là depuis 1988, quand il y avait eu Billy DeWitt contre Lagusta à Edmonton en 1988. Puis moi, je pense que Simon King est meilleur que DeWitt. On va voir, là, mais... Ouais. On va vous demander vos pronostics, puis la question... Mais Pierre, Pierre, as-tu lu mon texte d'aujourd'hui? Rapidement, oui. Bon. Est-ce que les gars... Moi, hier, peut-être parce que je suis plus averti, mais j'ai vérifié avec Adam, je te dis ça en confidence, il n'y a personne qui nous écoute, là. J'ai vérifié avec Adam Braidwood vers 9h30, avant il allait se coucher, là. Si ma perception avait été bonne. Et les deux ont joué sur des points bien précis. Il y en a un qui a joué sur le fait que Pretty Boy Simon, avec ses belles lunettes, tout ça. Son bronzage. L'autre a joué sur votre cachet dans rien de ta main, tu l'as fait pleurer. Hey boy. Ça peut-tu jouer jusque-là, oui, avant un combat? Régence, écoute, c'est ça la guerre. La guerre, c'est la guerre. Écoutez, ça a beau être un sport, il va y avoir un gagnant et un perdant, puis ça va se taper dur. Quand on va à guerre, on n'utilise pas des tire-roches. Alors, on utilise ce qui va faire mal à l'autre. On essaie de trouver ce qui va faire mal à l'autre pour le déstabiliser. Ils ont l'air, tous les deux. L'histoire de guerre propre, là, ouais. c'est une joke, ça. Non, le mot « guerre » veut dire nécessairement malpropreté. Deuxièmement, Réjean, il y a une chose, j'en profite, puis Robert. Ouais. Ce qui m'intéresse, la boxe, ça m'intéresse, mais l'état mental optimal qui permet... quel est l'état mental d'un boxeur qui permet sa prestation optimale lors du combat? Ben, t'as peur d'en manger une maudite. Et, je le sais pas, Robert. Puis Réjean, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, et j'ai hâte d'avoir accès à l'état mental des Kazakhs, de l'équipe de Kazakhs de Montréal lorsqu'ils se battent, pour mieux comprendre quel est l'état mental à favoriser chez un boxeur. Ah, bonne question, ça. Réjean? Parce qu'eux, ils sont détendus avant le combat, Pierre. Les Kazakhs, on les rencontre, c'est rare qu'on les voit tous torturés. Réjean, on ne peut pas voir sur leur visage, compte tenu de leurs ascendants asiatiques, on ne peut pas voir sur leur visage l'expression faciale des Caucasiens. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand ils rentrent dans le ring, eux autres, là, une seconde après, c'est fini. Rappelle-toi à Québec, le Mexicain il a voulu faire toucher le gant en étant propre, puis gentil. 19 secondes après, il était knock-out. Ouais. J'étais là. Et eux autres, ils viennent pas rire. By the way, ils vivent quatre dans le même appartement, là. Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être qu'il n'y a pas de lien. Arthur Beterbiev vit avec sa famille, avec sa conjointe, ses enfants et sa mère. Quel est... Moi, j'aimerais ça qu'on... J'aimerais ça connaître l'état mental. Mais dans quel... Et Pierre, lors quel, du combat dans et quel avant. Oui, mais oui. Dans quel état mental on doit se mettre si on veut être certain d'avoir le dessus sur celui qui est en face de nous autres? Je le sais pas. C'est ça que j'ai hâte de découvrir. Moi, je pense que tu montes dans le ring avec une idée. Je vais sauver ma vie. Point. Je ne sais pas, Réjean, c'est ça. Soldat qui veut sauver sa vie, il va courir plus vite que le gars qui fait du sport. Réjean, je suis pas sûr. C'est rare qu'on est en désaccord. Et là, je mets en doute ce que tu dis. Je suis pas contre. Pardon? Comment? Ça va donner une bonne chronique la semaine prochaine. Réjean, je ne sais pas si tu as raison ou tort là-dessus. C'est le sujet sur lequel je m'interroge. Quel est l'état mental qui favorise la prestation optimale dans un combat de boxe? J'ai entendu toutes sortes de remarques. Je n'en endosse aucune parce que je le sais pas. Mais j'aimerais bien, à partir du recueil d'état mental de champion, de gagnant, qu'est-ce qui se distingue? Qu'est-ce qui se démarque? La haine, je l'ai. Tu sais, Pas sûr, Robert, pas sûr. Mais il y a une chose qui est certaine, Pierre. Je vais répondre en partie à ta question. Simon hier, on jasait, il dit à Québec, là, je sais pas pourquoi. Ben, il dit, je suis allé me promener dans la ville. Là, il dit, le monde me parlait. Puis il dit, avant le combat, là, je voyais le monde. J'avais le goût de faire un clin d'œil. Puis il dit, quand je suis monté dans le ring contre le Mexicain, il dit, probablement que je le sentais pas assez dangereux, mais il dit, il m'a pincé en partant. Puis il dit, il dit, il y a un combat de boxe, là. Puis là, j'ai dit, là, ça risque-tu d'être la même chose? Non, mais il a pas voulu aller plus loin. Messieurs, dernier événement public avant la carte de demain. OK. Oui, attends un petit peu, Robert. Oui. Juste un mot. Arthur Beterbiev, si on avait accès à son psychisme, à sa pensée, j'aimerais ça. Mais. Ben, c'est ça. Tu proposeras. Les champions sont comme secrets, Réjean, de ce qui leur donne un ascendant. Et c'est ça qui me. Ils veulent pas partager pendant leur carrière, ça, c'est sûr. Les gars, il reste quelques secondes. Dernier événement public avant la carte de demain. Nous autres, on va être là en direct. On va le présenter en Facebook Live. Est-ce que les gars vont pousser un peu plus loin cette espèce de manifestation de haine les uns envers les autres? Je sais pas. Je m'attends à ce que ce soit assez tranquille, moi. Ouais. Tantôt, là. L'être humain est imprévisible, n'est-ce pas, Réjean? On peut pas. Ta question est légitime, Robert, mais il peut y avoir toutes sortes de réactions, y compris des réactions agressives, disgracieuses. Ça prend rien pour déclencher, là. Comme hier, là, l'allusion de Bradwood au bronzage en spray, là. Oui. T'as bonne. Simon n'a pas aimé ça, hein. Puis quand Simon a parlé de retourner comme un fœtus dans le ventre de la mer, ouais. Tu remarqueras que Camille et Stéphane a traduit très poliment par aller se cacher en arrière de sa mère. En dessous de la jupe de sa mère. Et on va suivre ça. Non. Regarde comment ce que t'es, le gars de radio. Il n'a pas dit sous la jupe. Oui. Behind, en arrière. Bien. Dans l'utérus. Oui. C'est... oui. Hey, merci beaucoup. On va te lire. On va te suivre. On va te lire dans le journal. Messieurs, je vous souhaite... Je pense que Pierre, demain, c'est ringside, là, hein? Ben, écoute, je devrais pas être trop loin. Je sais pas encore. OK, bye. Salut, bye. Merci. Réjean Tremblay, journaliste amateur de boxe. Je pense qu'il est plus amateur de boxe qu'il est journaliste dans ce cas-là. Et Pierre Mailloux est beaucoup plus amateur de boxe qu'il n'est psychiatre, Pierre, n'est-ce pas? Mais merci. Oui, mais la dimension humaine, Robert, me fascine. Oui, c'est drôle. C'est le psychisme humain, là. Ouais. C'est vraiment à considérer. Mais toi, surtout dans ce sport-là. Mais toi, tu peux être considéré comme un batailleur aussi, tu sais, dans ta façon d'être dans tous les jours. Robert, je suis tout petit. Oui, je sais, tu es tout petit. 130 livres, 135 livres mouillés avec une patte. Voyons, Robert, un batailleur. As-tu déjà été... On souffle sur moi et je tombe. Le chêne est le roseau. Oui. Tu es un chêne, je suis un roseau, Robert. Tu avais tort d'accuser la nature, un simple roi. droit, tout est pour vous, étant un pesant fardeau. Je m'en souviens, je l'ai appris par cœur à la petite école. Salut. Ah. De l'autodérision, il y avait quoi là-dedans? Il y avait tout. Il y avait oui, de l'humour. Oui, effectivement, il y avait tout. Alors, c'était Réjean Tremblay, Robert Pilote et également le Dr Mayou qui revenait sur le combat entre Simon Kane et Adam Braidwood. Ça se passait le 16 juin dernier au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Simon Kane qui en était ressorti grand vainqueur. Évidemment, bon, on va le revoir sur la scène très bientôt. On l'espère, en tout cas, que ce soit du côté de Shawinigan, peut-être du côté de Québec et même du côté de Montréal. On va le suivre parce que c'est un gars de chez nous. Il se démarque, poids lourd justement, oui. Mais fait quand même son effet là, à travers le Québec et même à travers le Canada. Et j'ai écrit la déclaration du Dr Mayou. Ah, je pensais que tu faisais ton journal intime. Okay, non, du tout. L'événement de l'année au Canada, c'est ce que le Dr Mayou disait. Donc, ce combat entre Simon Kane et Adam Braidwood. Oui, tout à fait. Alors, midi 42, on passe maintenant à la pause. Et ce qui vous attend de l'autre côté, c'est François Bellefeuille. Alors, l'humoriste François Bellefeuille s'était entretenu avec Catherine Gaudreau. On le sait, son spectacle Le plus fort au monde a été couronné. Lui, évidemment, et son spectacle ont été couronnés grand vainqueur du 20e gala Les Oliviers. Ça se tenait le 9 décembre dernier et Catherine Gaudreau s'était entretenue avec lui. Alors, on se joue ça dans 4 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepin. Midi 46, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Bienvenue dans l'émission des meilleurs moments du 106.9. Je suis en compagnie de Mathieu Plante jusqu'à 14h. On va se jaser un petit peu de météo pour commencer dans cette deuxième heure qui s'en vient. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, on se parle généralement nuageux, faible neige intermittente cet après-midi, avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de moins 8, refroidissement éolien moins 16 en après-midi. Ce soir et cette nuit, neige intermittente avec des accumulations de 2 à 4 cm, avec des vents du sud-ouest à 20 km/h, minimum de moins 11, refroidissement éolien à moins 18 le soir et moins 11 durant la nuit. Pour ce qui est de vendredi, neige cessant en après-midi, généralement nuageux par la suite, accumulation de 2 cm, un maximum de plus 1, et pour la nuit nuageux avec un minimum de moins 3, et pour ce qui est de samedi le 5 janvier, alternance de soleil et de nuages, maximum moins 1, et pour ce qui est de la nuit, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige avec un minimum de moins 6. On va se jaser un petit peu de sport également, parce que ce soir, on a deux équipes qui performent sur nos ondes, une sur nos ondes, donc du 106.9 Mauricie et l'autre sur les ondes web, alors oui. Les ondes du fm106.9.ca. Donc les Canadiens de Montréal qui reçoivent la visite des Canucks de Vancouver ce soir, ça se passe à 19h30 sur nos ondes avant match avec Danny Dubé et Martin McGuire sur le coup de 19h. Et également, les Cataractes de Shawinigan qui reçoivent la présence du Titan d'Acadie Bathurst. Ça se passe au Centre Gervais Auto sur le coup de 19h. Et évidemment, il y a avant-match avec Claude Boucher et Steve Turcotte. Ça sera sur les ondes du FM 106.9.ca sur le coup de 18h45. On a le choix. Oui, certainement. Alors, soit les Canadiens ou les Cataractes, on vous invite à être des nôtres. J'ai vu ton prochain bloc. Je sais pas si tu as mis les deux barbus de suite par exprès. Oui. Alors, tu parles de Dr Mayou qu'on avait avec Réjean Tremblay et également de François Bellefeuille. Alors oui, je me suis dit pourquoi pas mettre deux barbus. Et deux personnages qui sont quand même assez drôles. D'un côté, le Dr Mayou, et de l'autre côté, François Bellefeuille, un gars qui est originaire de la région. Il a été couronné grand vainqueur du 20e gala Les Oliviers. Ça se tenait le 9 décembre dernier. Et je le rappelle, il a raflé les deux plus prestigieuses statuettes de la soirée. Son spectacle qui s'appelle Le plus fort au monde, spectacle que j'ai vu à la salle Jean-Antonio Thompson, que j'ai apprécié. Très bon spectacle. Je vous incite à aller le voir. Ça lui a valu le trophée de spectacle d'humour de l'année, du même que le convoité Olivier de l'année, décerné par le public. Et dans l'émission Que la Mauricie se lève, du 13 décembre dernier, Catherine Gaudreau s'était entretenue avec lui et lui avait demandé sa réaction parce que, évidemment, on reçoit une grosse dose d'amour. On voit qu'on est apprécié dans le domaine de l'humour. Qu'est-ce que ça fait? Catherine Gaudreau lui avait posé la question. C'est toujours un plaisir renouvelé que de lui parler. Le grand gagnant du Gala des Oliviers a 3 trophées, dont les 2 plus prestigieux de la soirée. Le spectacle Le plus fort au monde lui a mérité le trophée du spectacle d'humour de l'année, de même que le convoité Olivier de l'année qui est décerné par le public. Et en plus, la mise en scène. François Bellefeuille, bienvenue dans cette émission. Bonjour! François, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux que ça? Pas grand-chose. En fait, j'étais en nomination pour 5 catégories. Oui. De repartir avec 3, c'est quelque chose, là, parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est de pas en gagner un. Parce que tout le monde me disait que j'étais le favori. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est pas important nécessairement tant que ça de toujours gagner des trophées. Puis mais on veut pas décevoir, hein, oui. Tu sais. Puis quand tout le monde te dit « Ah, j'ai confiance, je suis sûr que ça va être toi », on dirait que j'avais peur de décevoir. Mais là, J'ai passé une très, très belle journée le lendemain. Tout le monde me félicite. C'est rare que je me fais féliciter autant. Ah oui? Ça m'a vraiment fait... Ouais, quand j'avais gagné Révélation, Découverte de l'année, je me souviens que les gens m'avaient félicité beaucoup. Puis là, les policiers ont arrêté l'autre hier dans la rue pour me féliciter. C'est vraiment le fun. Ouais, mais je vais partager deux choses avec toi ce matin puis qui vont probablement aussi te faire plaisir. Deux choses différentes. J'avais quelqu'un que je connaissais bien qui était dans la salle dimanche et qui m'a texté dimanche soir pour me dire « Si tu savais à quel point les gens sont contents pour lui, ça se sent, ça se ressent dans la salle que les humoristes, que les gens présents sont très heureux et même dans les... Alors, tu vois, ça venait de quelqu'un qui était assis dans la salle. Ça, d'être aussi, tu sais, oui, reconnu, mais que les gens, que tes collègues, que les autres humoristes soient vraiment contents pour toi, ça doit faire plaisir aussi, ça? Beaucoup, parce que c'est quand même... Mais je l'adore, moi, mon milieu, ces gens-là que je côtoie, les humoristes, je trouve que c'est des gens avec qui j'ai énormément de plaisir. Mais c'est tout le temps une relation aussi, c'est pas la relation la plus simple que j'ai eue parce que on est quand même en compétition. Ouais. Et puis j'ai appris à travers ça, là, ça fait une dizaine d'années là, que je suis dans ce milieu-là, à respecter vraiment tout le monde. Puis c'est tellement des gens travaillants. Je sais pas si les gens s'en rendent compte à quel point c'est quand même beaucoup de travail. Et puis de voir que mes confrères, en fait ceux avec qui ceux que je croise, autant les humoristes filles que gars, qui sont contents de ce que je fais. C'est magnifique. Ouais. Et autre chose que je voulais partager, parce que ça me surprend pas, François, que tu aies reçu le prix décerné par le public, parce que lundi matin, quand j'ai ouvert les lignes, j'ai demandé aux gens qui vous fait le plus rire, quel humoriste est votre coup de cœur. Et je te dis les vraies affaires. Écoute, ton nom est revenu 3 fois sur 4, c'était ton nom. Oui, tu me dirais, bon, on parle aux gens de Trois-Rivières, de la Mauricie, t'es d'ici, mais ça avait rien à voir. Les gens t'aiment. Et sais-tu qu'est-ce qui est ressorti? Il y a des gens qui me disaient, il est comme nous autres. On a l'impression qu'il nous ressemble. Il nous fait rire. On se retrouve en lui. Ça, François, c'est du bonheur aussi. C'est un cadeau que les gens t'offrent. Ben ouais, c'est vraiment le fun d'entendre ça. C'est fou. On dirait que la dose d'amour ne finit plus. Mais merci. Je suis vraiment ému de ça. Je m'attendais pas à. Ben, c'est très. Je m'attendais pas à ça ce matin. Ouais. Ben non, mais je voulais le faire parce que, écoute, tu sais, c'est spontané. J'ouvre les lignes, les gens, ils partagent ce qu'ils aiment, puis c'était ça lundi. Alors, je voulais quand même te le partager. Je trouvais ça important. Tu m'as fait bien rire parce que tu as dit si t'aimes pas l'humour au Québec, je te conseille de déménager. On aime ça, l'humour, François, au Québec. On a ouais, besoin non, mais... de ça, hein? ça vient de. Ben, parce que la question était comment ça. Est-ce que. L'humour dans les 10 prochaines années, ouais. Ça se développe. Puis c'est à la fin que j'ai dit ça, mais c'est en même temps en blague. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'en vient tellement de qualité parce que c'est pas seulement il y a de l'humour des humoristes là. Il y en a qui font, il y a plein de styles. Il commence à avoir des humoristes dans plusieurs niches très spécialisées. Puis c'est quasiment impossible de pas trouver un humoriste qui te fait rire. Ouais. Fait que je trouve, moi, que je suis très fier de notre milieu, puis faut vraiment être ouvert à découvrir les nouveaux humoristes. Puis je trouve qu'au niveau mondial, on s'en vient vraiment très bon. Donc, l'humour est pas prêt, je pense, de diminuer en popularité parce que ça se fine, puis c'est devenu... c'est vraiment très, très bon. Puis si tu t'aimes pas, par exemple, mon style, ben il y en a d'autres. Ouais. Et puis, c'est impossible. Il y a personne qui aime pas rire. Non. Mais en même temps... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent ben moi, aller voir un show d'humour, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Puis je comprends ça en même temps. Mm-hmm. François, le plus fort au monde, bon, évidemment, il y a plusieurs représentations qui ont déjà eu lieu. Tu es venu le présenter ici, en Mauricie. Tu vas revenir d'ailleurs. Écoute, c'est une tournée qui est très longue. En tout et partout, il te reste encore. Est-ce que j'ai bien compris 2 ans de tournée? Oui, ça veut dire au moins un an et demi. Okay. Mais c'est ça. Au moins un an et demi, puis là, ça dépend tout le temps à quel point les gens sont au rendez-vous dans les salles. Mais j'aimerais le faire encore un an et demi. Là, j'ai comme en tête certains projets, puis mon prochain show. J'ai déjà une idée un peu de ce que je veux faire, mais je veux prendre mon temps pour le prochain. Donc celui-là, je l'aime tellement. Ouais. Ce spectacle-là est vraiment fun à faire. Les rires sont forts dans la salle. Puis j'utilise l'écran d'une manière à dynamiser le tout. Donc, c'est important pour moi de le montrer à tous les gens qui veulent le voir. Puis après ça, j'ai le goût d'aller un petit peu ailleurs. Dans mon prochain show, j'ai le goût de me challenger puis peut-être peut-être prendre le risque de décevoir un peu pour grandir à travers ça, mais je ne sais pas. Mais c'est pour ça que celui-là qui est beaucoup aimé, je veux le faire assez longtemps. C'est drôle parce que je remarque, François, ça fait deux fois que tu me dis « j'ai peur de décevoir ». Au début de l'entrevue, tu m'as dit ça, tu sais, on a peur de décevoir. Et là, tu ramènes ça en disant « bon, le prochain, je veux aller ailleurs ». C'est quelque chose qui est en toi beaucoup, mais, cette peur-là de décevoir ouais, les gens. Mais c'est une dualité à l'intérieur de moi, c'est que je veux pas continuer à tout le temps faire la même chose. Quand je parle, c'est parce qu'en humour, faut surprendre, faut épater, faut puis pour faire rire, c'est il faut. Si je reste dans les mêmes genres de patterns, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus actuel. Donc, faut tout le temps essayer d'être un coup en avant. J'aime mieux être tanné moi le premier de ce que je fais que un de mes fans. Donc j'ai le goût d'aller un petit peu plus dans des domaines un petit peu plus difficiles, comme mon père souffrait de schizophrénie. Puis j'ai vraiment le goût d'en parler dans mon prochain show. Puis ça sera pas facile, je le sais. J'ai comme une idée. Il m'a laissé beaucoup de ses écrits. Mon père écrivait beaucoup pendant ses psychoses. Puis j'ai le défi de faire rire avec ça. Puis je me dis, ça va être un gros défi. En ce moment, mon spectacle, là, je le trouve extrêmement efficace, il fait rire, mais c'est pas nécessairement un spectacle qui fait beaucoup réfléchir, mais mon but, c'était vraiment de faire rire au maximum, puis j'étais allé quand même, j'étais assez fier de moi pour ça. Puis là, le prochain, on dirait que ça me prend un défi de plus, je veux me mettre, puis peut-être que le prochain jour sera pas aussi léger, okay. Mais... OK, ben on sera préparé. Mais écoute, je pense que les gens, c'est du quoi? Les gens sont prêts. Regarde. C'est tellement moi. C'est tellement exact. Moi. Je me fais lancer des flèches. Je me dis, ce sera pas bon, là. Préparez-vous. Non, ça, c'est drôle. Ça m'inquiète pas trop. François, gros merci. Je sais que tu fais extrêmement plaisir aux gens de Trois-Rivières et de la Mauricie pour cette entrevue-là ce matin. Ils sont très heureux de te réentendre. Et au nom de tous les auditeurs et auditrices du 106.9, félicitations. C'est bien mérité, tout ça. Ah, merci beaucoup. Merci, François. Bye, bonne journée. OK, bye-bye. François Bellefeuille, voilà la consécration pour lui. Oui, la consécration. Très belle entrevue, donc, de Catherine Gaudreau avec François Bellefeuille, l'humoriste qui est ressorti grand gagnant du 20e gala Les Oliviers. Alors, il a été couronné, donc, humoriste de l'année et son spectacle le plus fort au monde qui a très bien roulé. Spectacle que j'ai vu et que je vous encourage à aller voir. Ne change pas, François Bellefeuille, ne change non, pas. Non, effectivement, un gars originaire de la région et on en est très fiers. Midi 57, on va se parler d'un autre gars originaire de la région, plus particulièrement de Saint-Élie de Caxton. Après la pause, je parle de Fred Pellerin. Alors, on le sait, fierté de Saint-Élie. Il a sorti son nouvel album intitulé Après en novembre dernier. Et ces temps-ci, il a été dans certains, dans certains sujets d'actualité qui étaient plutôt négatifs à son endroit, concernant donc le fait qu'il n'allait pas être conteur de la féerie de Noël du côté de Saint-Élie. Également, bon, quelques démêlés avec Robert Gauthier, le maire de la municipalité. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va revenir avec Robert Pilote, une entrevue qu'il avait faite avec Fred Pellerin concernant son nouvel album intitulé Après. On se joue ça dans 4 minutes. Votre radio. Lundi, c'est le retour à la programmation régulière au 106.9 Mauricie. Dès 5h30, retrouvez l'équipe du matin avec Que la Mauricie se lève. Dès 11h, midi plus. D'ici là, prenez soin de vous et bonne année 2019. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin. Seulement au 106.9 Mauricie. 13h02, bon midi. Bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin et Mathieu Plante qui vous accompagnent jusqu'à 14h pour cette émission des meilleurs moments de l'émission Que la Mauricie se lève avec Catherine Gaudreau et également de l'émission Midi Plus avec Robert Pilote pour vous dire que, comme vous l'avez entendu dans la publicité juste avant, toute la programmation est de retour, donc retour à la programmation normale sur le coup du 7 janvier. Catherine Gaudreau qui reprendra son siège que je réchauffe présentement pour Que la Mauricie se lève et également Robert Pilote pour l'émission Midi Plus. Bien hâte de les revoir. Bien hâte évidemment d'avoir l'équipe habituelle. Or, au courant des prochains jours et des prochaines semaines, on va voir donc les chroniqueurs revenir. On parle du Dr Mailloux, Michel Villeneuve, François Vigeant, Michel Giroir. Alors, tous ceux que vous aimez entendre vont être de retour. Plus deux, moins de nous. Ben, exactement. Au courant des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, à 13h03, on enchaîne tout de suite avec la prochaine entrevue. Entrevue réalisée par Robert Pilote avec le conteur Fred Pellerin, La fierté de Saint-Élie de Caxton. Il sortait, je l'ai dit, en novembre, son nouvel album intitulé Après. Et au courant des dernières semaines, il a été dans l'actualité pour diverses raisons. Le fait qu'il ne soit plus conteur à la féerie de Noël du côté de Saint-Élie de Caxton, ça a retenu l'attention. Il y a le maire Robert Gauthier, le maire de Saint-Élie de Caxton, qui a également retenu l'attention pour d'autres raisons. Mais bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entrevue que Robert Pilote avait réalisée le 29 mars dernier dans l'émission Midi Plus avec Fred Pellerin. C'est comme la première neige et le premier printemps. C'est comme la première fois, je t'aime tout autant. On s'était cru si seul, on ne sait plus trop quand. On avait dans les yeux ce qu'on voulait pourtant. Bah, toujours bien plate de couper des chansons comme ça. Là. J'aurais aimé ça la laisser jouer au bout, jusqu'au bout. Fred Pellerin, bonjour. Bonjour. Après 5 minutes 20, pour moi, la retourne aurait fini, j'aurais dit merci Robert, puis on aurait raccroché. Non, mais tu sais qu'on est une radio de parlotte, nous autres, Fred, hein? Alors, ouais. On ne peut pas jouer trop de musique, mais bon, on en présente un bout pour dire, bon, que Fred Pellerin lance un nouvel album après, et puis là, ben après, vous irez l'acheter. C'est ça ce que ça veut dire. Un nouvel album, Fred? Oui, flambette, on a sorti, mais ça a sorti là, ça sort un matin dans les magasins. Là, un peu partout, hein. Je sais que je pense que c'est Radio-Canada qui permettait à ceux et celles qui voulaient l'entendre avant tout le monde de le faire. Moi, j'ai eu la chance d'en entendre quelques extraits. Écoute, c'est comme si tu nous chuchotais à l'oreille. Ben oui, puis là, tu sais, on l'a travaillé de même. On n'a jamais été dans les albums avec des arrangements de 17 étages, avec crémage, que tu trouves plus le gâteau en dessous, mais ouais. Celui-là, on l'a vraiment pensé comme ça. À mesure qu'on avançait, à mesure qu'on le dépouillait, on a fait 13 chansons, on a gardé juste 10. On a travaillé à resserrer ça le plus possible pour que ça ressemble à l'extrait de 14 secondes que tu as mis en intro, ou ce que ça peut être comme si je la jouerais à table chez vous, tu sais, ou sur le bord du foyer. On entend la guitare, on entend les ongles sur le bois de la guitare, on entend. Puis on n'a jamais pu rien cacher, aucun de ces petits défauts-là, parce qu'il n'y a rien pour les cacher. C'est très, très dépouillé, puis c'est doux, puis ça tombe avec une première neige qui tombe sur jour de première neige, fait qu'on est quasiment en raccord aussi avec la météo, là, tu sais. Après, pourquoi après? Après, parce que on se rendait compte à mesure qu'on ramassait ces tunes-là qu'il y avait une récurrence de l'après, tu sais, après la mort. Il y a deux chansons qui parlent de la mort et de son après. Il y a deux chansons d'amour qui parlent d'après l'amour. Il y a une chanson qui parle de on va enlever tout, puis après il y aura nous. Il y a une chanson qui parle de se relever. Fait qu'on imagine qu'il y a eu une chute, donc on se relève après la chute. Puis, fait qu'en fait, ce qu'on proposait avec après, c'était juste un angle pour écouter les chansons, tu sais, mais après, ça peut être. On a hésité entre après puis toujours. Puis après, ça veut dire aussi qu'on continue à faire des spectacles. J'ai été très ému, même il y a une collègue de travail qui est allée ici, Rosie, avec son père, dans les Europes lointaines, en France, chanter avec toi. C'est assez extraordinaire ce que tu as fait. C'est à toi que ça se passait, sais-tu ça, les 900 personnes qui ont chanté avec toi? Trois en Champagne, ouais, c'était il y a deux semaines ça qu'on a fait ça. J'avais une invitation pour monter un spectacle qu'on allait présenter trois fois, trois à trois. C'était avec 916 chanteurs plus exactement. On était sur une immense scène devant 1800 spectateurs à chaque fois. C'était moi puis Francis Cabrel avec ce chœur-là. Puis ben, j'avais réussi à insérer dans mes contrats une clause comme quoi j'avais le droit d'amener des gens de Saint-Élie. Fait que j'ai pu amener me rejoindre là-bas quatre personnes du village qui sont venues chanter. On a vécu une chance, M. Pilote, que j'avais du monde avec moi pour vivre ça, parce que tu sais, là, je pourrais vous en parler, puis vous essayer de vous trouver des adjectifs puis des métaphores pour vous dire ce que j'ai senti là, mais ça serait jamais à la hauteur de ce qu'on a pu vivre là. Là. J'ai vu Alain, le père à Rosie, je l'ai croisé dans le cours d'école avant hier. Uh-huh. On s'est pris dans nos bras, on a broyé un petit coup, puis on s'est rien dit, puis on est reparti jusqu'à un autre bar. T'es parce sûr. Que qu'on a expérience immense. Moi, j'ai une photo là, sous les yeux. Là. Tu sais, je te vois là. Tu vois le cœur, une foule immense autour de toi. Quand t'es un chanteur, puis que tu sais chanter, puis pousser la note, c'est quelque chose. Mais quand il y en a 800 autour de toi qui font la même affaire, ça doit être absolument capotant. Ça, tu lèves de terre, là. Tu sais, il y a une affaire. Puis, oui, il y a beau avoir l'harmonie puis la justesse, puis chanter en même temps, puis tout ça, mais au-delà de ça, là, tu sais, chanter, c'est faire vibrer un corps humain, là. Il y a 916 corps humains qui vibrent ensemble sur une affaire. Puis, tu sais, le plus proche que j'ai vécu de ça, ça serait peut-être mes expériences avec l'orchestre symphonique, où t'as 100 musiciens, des kingpins de leur instrument qui font vibrer le bois ou le cuivre ou le, tu sais, selon son instrument. Là, c'est des corps humains qui vibrent. Puis, il y en a pas loin de 1000. Fait que là, l'expérience, tu sais, c'est une expérience humaine et quasiment mystique. Là, c'est Fred, à reproduire au Québec? Ben, je sais pas comment on peut reproduire ça. Tu sais, je me suis posé la question, je me suis dit comment on peut faire pour revivre ça. C'est peut-être ça la magie de la. Peut-être que ça participe à la magie de la chose aussi, la rareté de cette affaire-là. Mais là, c'est que 900. Eux autres, là, ce festival-là, ils ont une logistique hallucinante depuis 30 ans à répéter ça chaque année, avec différents artistes invités. Faut loger, faut nourrir, faut transporter ce monde-là. Faut que ces gens-là pratiquent à partir du mois de juillet, chacun chez eux. Il y avait des chanteurs qui venaient du Salvador, qui venaient de partout en France, qui venaient du Québec. Il y avait des chanteurs de Longueuil, une chorale de Longueuil qui s'était inscrite là-dedans. Il y avait, tu sais, joyeuse logistique, là. Fait que je sais pas, nous, on l'avait fait, c'est Plaine d'Abraham avec 80 chanteurs. Oui, oui. Ben, c'est sûr, là, je peux pas voir comment, dans quel bout tu pognes sur 900, là, t'sais. En tout cas, Fred, c'est incroyable encore. Puis toi, la carrière, il y a de quoi, là, il y a l'album, là, aujourd'hui, mais pour le reste, là, il se passe quoi? Ben, c'est le spectacle de conte qui tourne beaucoup. J'ai un village en 3D que j'ai commencé. On s'était parlé, je pense, là-dessus, il y a un an pile. Ouais. Fait que là, ben, ça vire rapide, là. Hier, j'étais à l'Assomption. Je repars dans quelques minutes. Je m'en retourne à l'Assomption faire deuxième soir. Demain à Saint-Hyacinthe. Dimanche à Saint-Hyacinthe. Après ça, je vais aller à Québec. Je vais aller à Bellecour, à Baie-du-Fer. Je vais aller, on roule ce spectacle-là, sans s'arrêter jusqu'au 10 décembre, puis après ça, ben, je rentre avec l'Orchestre symphonique puis Maestro Nagano. On fait 5 représentations du conte symphonique de Noël qui risque fort d'être le dernier parce qu'après, Nagano, il quitte l'Orchestre à Montréal. Ouais. Fait que c'est ça, on fait ça, puis après, ben, je tombe sur 3 semaines de vacances pour repartir en France le 14 janvier, retourner faire des contes là-bas. Puis... Fait que, tu sais, le spectacle en village en 3D va rouler jusqu'à l'été 2020. Il est déjà tout tracé, là, à 4 représentations par semaine jusque-là. Bravo, on est fiers de toi. Lâche pas, on t'aime beaucoup. À bientôt. Merci, monsieur, puis là. Salut. Bonne journée. Bye. Oui, très fier de lui. On espère que ça va continuer. Alors, entrevue de Robert Pilote avec le conteur Fred Pellerin, originaire de Saint-Élie-de-Caxton. Et d'ailleurs, ce matin, vous receviez Mathieu Plante dans l'émission Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier, le député de Masquinongé, Simon Allaire, député de la CAQ, qui disait que la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton et Fred Pellerin doivent trouver un terrain d'entente pour que le conteur reprenne son rôle de narrateur des contes de la féerie de Noël l'an prochain. Ça va revenir, c'est sûr. Ben, je pense que oui. Alors, évidemment, on le dit souvent, Saint-Élie-de-Caxton sans Fred Pellerin, ce n'est pas Saint-Élie-de-Caxton. Exact. Alors, oui, bon, il a mis le village sur la map. Et c'est un incontournable. Quand on pense à Saint-Élie, on pense à Fred Pellerin. Mm-hmm. Et quand on pense à Fred Pellerin, on pense à Saint-Élie. Alors, je pense que c'est donnant-donnant. Ouais. Et c'est le fun parce que l'entrevue datait du mois de mars, mais il a quand même parlé du mois de décembre et du mois de janvier de là. Oui, de ce qui s'en vient, c'est tout à fait. Alors, retourne en France justement pour continuer une série de spectacles. Alors, je pense que les projets ne manquent pas pour Fred Pellerin. Ouais. Et on est très fiers de lui. À 13h11, on poursuit avec la prochaine entrevue. C'est une entrevue, mais surtout une chronique. Je vais le dire comme ça, chronique de notre chroniqueur, Maître François Vigeant. Il s'est entretenu avec Catherine Gaudreau lors de sa chronique habituelle le mardi et le jeudi à 7h50. Et vous allez voir, il va y avoir un changement à partir du 7 janvier. François va être avec nous à partir de 3 fois semaine. Oh, wow. Alors, c'est ce qui était intéressant quand même. C'est un avocat, un grand communicateur. Et François, donc, le 20 décembre dernier, donnait son opinion sur le lock-out à l'Abbaye, la luminerie de Bécancour, qui fêtera bientôt son triste premier anniversaire. Assez dommage quand même, mais la dernière nouvelle qu'on avait appris concernant l'Abbaye, c'est qu'on avait annoncé la fermeture d'une demi-série de cuves. Il y en avait 240 qui étaient en fonction. On passe maintenant à 120. Il avait commenté ceci et avait également donné ses prédictions pour l'année 2019 dans le sport, dans la politique. Voici ce que ça donne. J'ai annoncé que tu serais avec nous 3 jours par semaine, à compter du 7 janvier. Lundi, mercredi, vendredi, t'as enfin dit oui. Après... Ouais, t'as gagné la bataille. Je suis fière. Non, mais je suis surtout très heureuse. Je m'en fous d'avoir gagné la bataille. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous 3 fois par semaine. Un petit mot sur l'Abbaye en commençant, avant tes prédictions 2019. Ouais. Il y a eu une déclaration extraordinairement lourde de conséquences hier, spectaculaire, qui a passé inaperçue. C'est celle de Jean Boulet. Quand Jean Boulet a dit, à mot couvert, il a dit « Ceux qui rêvent à l'arbitrage, ça n'arrivera pas. Mm-hmm. » Et la façon dont il a dit ça, mais tout en nuance, Jean Boulet, il a dit « En vertu du Code du travail du Québec, l'arbitrage n'est possible qu'à la demande des deux parties. » Alors, si vous décodez ça, là, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement ne l'ordonnera pas. Non. C'est ça que ça voulait dire, sa déclaration hier. Ouais. Ça va? Absolument. Et c'est en ligne. Il n'avait jamais dit le contraire. Il l'avait jamais dit aussi clairement qu'hier. Oui. Ça va? Alors, ceux qui rêvent à l'arbitrage... Là, ça n'arrivera pas. Ben, tout peut arriver. Ben. On peut être envahi par les Martiens, OK? Oui. Mais l'arbitrage à l'OBI, je ne crois pas que ça va arriver. OK? Après ça, mettez la surtaxe de 10 %, mettez dans le pot les pressions de la Maison-Blanche sur Alcoa pour produire aux États-Unis et non des pays étrangers. Rajoutez la production des marchés émergents. Rajoutez que le stock de Alcoa est passé de 62$ à 27$. Les actionnaires n'entendent pas rire actuellement. Là. On s'entend. Et un historique qui n'a jamais été complètement facile, que peu importe c'est de la faute à qui, ça n'a aucune importance. De toute façon, je ne connais pas assez ça. Là. Mettez ça dans une boîte puis brassez ça. Oui. Fait que toi, tu ne changes pas d'idée. Pour toi, le pronostic n'est pas bon. Au mois de janvier, il y a 11 mois, je t'avais dit... Ouais. En fait, là, j'ai écouté M. Lemieux tantôt, puis ça exprimait totalement ma pensée depuis le début. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale et philosophique entre le concept d'une offre finale pour une compagnie du Fortune 500 américaine, une méga compagnie, et au Québec. D'ailleurs, M. Maus m'avait répondu ça à un moment donné. Quand j'avais dit en janvier, j'avais dit « Hi, moi, d'après moi, là, l'offre finale est à finale. » Monsieur Maus, un homme que je respecte énormément en passant, là, pour qui j'aime sa mesure, j'aime sa façon respectueuse de se comporter. Là. Il avait répondu, ouais, mais ça c'est en civil, mais en droit du travail au Québec, les offres finales, c'est jamais final. Ok, c'est vrai ce qu'a dit Monsieur Maus. Le problème là, et c'est le problème de ce conflit là, pour moi, je le dis avec beaucoup de modestie, c'est pas mon domaine. Là. C'est ton interprétation. Ah, puis je donne des leçons à personne, sachez-le. Mais la différence fondamentale, c'est qu'aux États-Unis, quand tu es une compagnie qui produit dans 30 pays différents et que tu as des centaines de milliers d'employés, quand tu fais un offre finale, ça se peut qu'elle soit finale. Ouais. Parce que c'est pas comme ici, finalement, je vais plier là-dessus. Non, c'est un niaisage-là, eux autres, pas tellement. Ben, on s'en rend compte. Ça va? Oui. Bon. Tantôt, j'ai entendu l'entrevue de M. Lemieux. Qui disait ça a tellement pas d'allure qu'ils nous reviennent avec des offres qui sont pires qu'en décembre. Ça va? Ben même, en fait, lui, il parlait même du début de la négociation, donc avant l'offre. Là. Oui. Mais c'est ça que je dis depuis janvier. Ce que j'ai dit depuis 11 mois, c'est l'ancienne offre, là, elle reviendra pas. Elle reviendra pas. OK? Ouais. Parce qu'on n'est plus là, ça fait longtemps. Là. On n'est plus là. OK? Alors, et moi, là, je blâme. Personne. Je ne connais pas ça. Puis c'est certainement pas moi qui va se mêler à dire ni au patron, ni aux employés du syndicat qu'est-ce qu'ils devraient faire ou qu'est-ce qu'ils devraient négocier. Tout ce que je dis et ce que je constate, là, c'est qu'il y a une méprise sérieuse sur le concept de ce qui est une offre finale. C'est juste... Tu me ramènes à la base et tu fais très bien de le faire. Et c'était juste ça, mon commentaire. Hey, j'ai hâte à tes prédictions. Bon, bruit de tambour. Bruit de tambour. Là, faut falloir... Attends un petit peu. Pour le mois de janvier, on va vraiment se trouver un vrai bruit de tambour parce que tu nous sors ça deux fois par semaine. Alors, je te préviens, j'aurai un bruit de tambour pour toi. Tu t'en vas où avec tes prédictions? Je m'en vais en politique. Je m'en vais dans le domaine sportif. OK. Et je m'en vais. J'en ai une sur la scène mondiale. Hein? OK, j'ai hâte. Vas-y. Bon. On commence avec le politique. Oui. Alors, les élections fédérales en octobre prochain. Oh, j'ai hâte. Alors, gouvernement majoritaire Trudeau, 200 députés, un succès, un raz-de-marée libéral. OK. Complètement. Ah oui? Ce n'est pas exclu que le Bloc québécois fasse l'opposition officielle. Mathématiquement. C'est pas exclu. OK? Ça dépend le chemin que va prendre M. Blanchette. Oui. OK? Parce que si c'est le chemin de l'indépendance et du Québec Power, ils vont avoir un député, ça va être M. Blanchette. OK? Un. S'ils prennent la ligne des signes identitaires et de l'immigration, 45 députés. Hein? Il y a j'ai bien peur là. Qu'ils prendront pas le chemin des 45. Ben par contre, ça si va? T'écoutes, ils devraient. Non, mais okay. M. Blanchette est un homme de principe et je pense pas qu'il va faire des compromis pour des résultats électoraux plus favorables. C'est ma crainte pour le Bloc. Je peux-tu te rajouter une question? Je veux pas te mettre mal à l'aise. Est-ce que Yves Lévesque sera candidat sur la scène fédérale? Non, il ne le sera pas. Non? Non. OK. Pour aucun parti? Selon toi, j'ai pas l'inside, non. J'en ai pas parlé avec Yves. Ton feeling. Mon feeling, c'est qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections fédérales. OK, parfait. On enchaîne avec le sportif? Oui. Le prochain chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. OK. Ah oui, plus qu'André Fortin? Et boy, ça fera pas une grosse élection. C'est bon. Ce que j'ai à dire. OK. Bon, c'est assez clair. J'aime ça. Et je après avoir entendu Pierre Moreau en entrevue il n'y a pas longtemps, j'en suis particulièrement convaincu. Sport! Oui. Le Canadien de Montréal va finir 9e et ne fera pas les séries. Oh. Va être dépassé par Ottawa et Pittsburgh. Je sortais ma chaise. Je tiens à dire une chose. Il y a une façon qui pourrait aller les faire. Vas-y. Échanger Jonathan Drouin, obtenir deux bons joueurs d'avant puis faire les séries. Hier, Serge Allary m'a bien fait rire. OK, mais attends un peu. Serge, là, ouvre ton micro. Là, et... là, Serge m'a fait rire hier. C'était assez extraordinaire, le morceau de l'anthologie de radio avec Serge Allary. Ah oui? Quand je me réveille hier, là, Serge Allary nous dit tous à la radio, il dit, vous savez, il y a 9 joueurs qui ont déjà joué dans l'histoire à l'âge de 17 ans pour l'équipe junior canadienne. Et là, il nomme les joueurs, là, des joueurs de la mort. Là. Ouais. Gretzky, Paul Kariya. Okay. Oui, oui, oui. Jonathan Drouin, le dernier. mais il l'avait même oublié. Je l'avais oublié, il fallait que je revienne à un moment donné. Entre Mario Lemieux puis Steve Yzerman, je m'en rappelle plus. Oui, il y a toute une broche. À la fin, mon Serge dit, ah, j'ai oublié Jonathan Drouin. Oublie majeur. Prochaine. Oui. Sur la scène mondiale? Oui, le sport canadien. OK, parfait. Vous savez que... À Las Vegas, on peut gager sur absolument à peu près n'importe quoi. Et au tennis, on peut gager au début de l'année. Dans quel rang va occuper à la fin de l'année suivante? Oui. Quel rang? Eh bien, j'ai parié un petit 2$, moi. Oh. Sur Eugénie Bouchard, qui finirait dans les 68 meilleures raquettes au monde. François? Je pense que ça va être le retour d'Eugénie Bouchard. Hey, ça, j'aime ça, là. Ouais. Je pense qu'elle a très bien joué à la fin de l'année. Oui, t'as pas Elle peur. A 2 victoires contre des top 15. Elle frappe la balle avec énormément de conviction. Elle n'a toujours pas de deuxième service. Mais non, ça, elle s'en cherche encore un, OK. Mais je crois que c'est une personne qui a évolué. Je pense que toutes les personnes, des fois, peuvent se perdre à quelque part. On est d'accord. Et je pense qu'elle va finir dans le top 50 des joueuses de la WTA l'année prochaine. OK. Tu sais qu'on enregistre tout ça, évidemment. Absolument. Et j'ai déjà hâte alors pour okay. Et sur la scène mondiale, tu nous amènes où? Ça, c'est une longue shot. Ben, à date, c'est pas mal des longues shots, ouais, affaires. Mais la prochaine, est okay, pas, c'est pas une longue shot ordinaire, okay. Solide. Le procureur fédéral Mueller aux États-Unis va accuser les enfants de Donald Trump d'avoir commis des crimes dont Kushner, son gendre. Et Trump va utiliser son pardon présidentiel pour gracier ses enfants et démissionner avant la fin de l'année 2019. Si ça arrive, attends un peu, là. Je veux une tarte aux pommes. Sais-tu quoi? Non. Si ça arrive, je te laisse ma place. Ah. Tu viendras animer ce show-là. C'est moi qui vais venir dans ton show. Hey, François, je peux-tu te faire entendre? Écoute, c'est ma préférée dans le nouveau gouvernement de François Legault. Puis je sais que Bernard s'en vient aussi. As-tu entendu la tentative de la ministre de l'Environnement, Marie Chantal, qui a essayé d'expliquer aux journalistes qu'est-ce que c'était que le fond vert? Non, ça m'intéresse. Mais c'est quoi la problématique? Oui. C'est qu'elle ne sait pas. Ah, ça veut donner un bon produit? Écoute, sa réponse dans le côté vague et vide, ça bat des records juste pour toi, François. Comment est-ce que vous résumeriez la situation pour monsieur, madame, tout le monde à la maison qui écoute, qui ne sait pas trop c'est quoi le fond vert? Comment est-ce que vous résumez ça? C'est une excellente question. On entend beaucoup aujourd'hui parler des... Puis pourquoi je dis que c'est une excellente question? C'est parce que c'est ma responsabilité de m'adresser à l'ensemble de la population, à chacun. Et si chacun de la population de plus de 8 millions fait sa part, on va beaucoup gagner. Et ça me tient grandement à cœur. Puis effectivement, arrête, c'est pas facile de comprendre tout ce jargon-là. Je veux rassurer la population que je ne peux pas laisser longtemps des sommes ne pas contribuer de façon importante à la préservation de l'environnement. J'ai très, très hâte d'y arriver. Nous autres, on avait hâte qu'elle termine. Toi, tu te sens-tu rassuré, François? C'est-tu la cousine de Mélanie Joly? Oh, François, c'est pire que Mélanie Joly. Non, je suis d'accord. Là, je m'excuse auprès de Mélanie Joly. Sincèrement, Mélanie Joly, c'est une... Non. Elle n'a pas toujours bien paru. Non, mais elle est articulée. Elle est articulée. Ça, comment je veux qu'on nomme son nom? Marie-Chantal Massé. Marie-Chantal de l'environnement. Vous la reconnaissez, elle a des grosses lunettes noires, un peu la Denis Gagnon, et toujours de grands foulards. Mais elle arrive toujours comme ça, elle sortait d'une pièce de théâtre. Hein? Vous savez que dans les nouveaux gouvernements, là, ils se faufilent toujours des gens comme ça. Qu'on ne sait pas exactement d'où ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont là. Mais elle, comment ils ont abouti là. Ça bat des records. Ça bat des... J'attendais de voir avant d'être trop sévère, parce que, tu sais, lorsqu'ils ont été nommés, elle disait, ben là, attendez, là, laissez-moi arriver, toujours avec ces grands foulards en mode théâtre. Mais là, hier, je me suis dit, OK, elle est ministre de l'Environnement, puis le Fonds vert, elle n'a aucune idée ce que c'est. Ça va bien. Ouais. Ça, moi, ça me rassure beaucoup. Alors voilà, tu vois, dans ma prédiction, je prédis que je lui donne pas un an à la tête de ce ministère-là, qu'on va faire un petit changement. Non, mais regardez, là, il y a juste à faire comme Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait au ministère de l'Environnement? Il a nommé l'ancien président d'une compagnie pétrolière. T'as bien raison. Bon, lui, il sait c'est quoi le fond vert, il y en a pas. Il y a un auditeur qui a quelque chose pour toi. Si ouais. tes prédictions, entre autres, ta prédiction sur la scène mondiale se réalise. Bonjour, Steve. Oui, salut, Catherine. Bonjour. Bon. Alors, si ça arrive, ce que tu as dit sur Trump, là, à quelques pouces près quand même, là, OK? C'est pas une tarte aux pommes. Moi, puis Lynn, on s'engage à faire une méga tourtière du lac Saint-Jean. OK, j'embarque, Steve. C'est bon. Oui, puis on va aller l'amener en chair et en or. OK. Ça, c'est les camionneurs, ça. Oui, c'est là, Steve c'est et ça. Lynn. Ben, ça fait plaisir de vous parler. Steve, j'irai vous aider. Parfait. Merci. Okay, parfait. Salut. Salut, la gang. François, on te retrouve le 7 janvier, trois fois par semaine. Le 7 janvier. Oui, le 7 janvier, trois fois par semaine. Alors, Maître François Vigeant avec Catherine Gaudreau dans l'émission Que la Mauricie se lève. Plusieurs choses dans cette chronique. Ce qui est intéressant, bien, premièrement, on salue Steve et Lynn, nos camionneurs qui nous écoutent très souvent, en espérant que vous avez passé une belle, un beau temps des fêtes et que vous allez avoir une belle année. Alors, si je résume les prédictions de François Vigeant, Donald Trump va démissionner, donc, de la Maison-Blanche et de son poste de président des États-Unis. Par la suite, les Canadiens ne vont pas aller en série, vont terminer 9e au classement. Bon. Et Eugénie Bouchard va effectuer un retour dans le monde du tennis. Alors, toutes sortes de prédictions. J'ai hâte de voir si elles vont se réaliser. Et d'ailleurs, je veux simplement corriger Catherine, c'est rare que je vais faire ça. Mais c'est Marie-Chantal Chassé, alors la ministre de l'Environnement au gouvernement de la CAQ. Pas de trait d'union. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver l'extrait de son scrum qu'on appelle dans le milieu, là, donc de sa conférence de presse avec les journalistes. Exactement. Il y a possibilité de le faire sur, évidemment, YouTube, sur Facebook. Bon, on n'en dira pas trop, là, mais je pense que sur ce coup-là, elle a peut-être échappé. On va se dire ça comme ça. Et que, pour le nom de la fille? C'est ça? Non, non, pas non. Pour le nom, OK, pour... Ouais. Non, en fait, elle a échappé dans le sens qu'elle a échappé sa conférence de presse, ça s'est pas bien passé, d'accord. Et on espère que les prochaines fois, ça va mieux se passer. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas bien été. On va poursuivre après la pause, à 13h26, avec une autre entrevue de Catherine Gaudreau avec Rembo Gauthier. Alors, vous connaissez Rembo Gauthier, homme de parole, homme de beaucoup de mots, qui aime justement être à travers les médias. Bon, dit qu'il n'aime pas ça, mais quand même, je pense qu'il aime démontrer son point de vue et le prouver. Et il a parlé avec Catherine Gaudreau. Ça date donc du 23 novembre dernier. Catherine était très heureuse de lui parler, avait refusé notre première entrevue. Finalement, a accepté. Vous allez voir ce que ça donne après la pause dans 4 minutes. Votre radio 106.9 Mauricie. Incontournable. Incontournable. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepin. Dernière demi-heure de l'émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin et Mathieu Plante qui vous accompagnent jusqu'à 14h. Il est présentement 13h30. On va commencer avec un petit peu de météo. Alors pour aujourd'hui, généralement nuageux avec une faible neige intermittente cet après-midi. Des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de moins 8. Refroidissement éolien, moins 16 en après-midi. Et pour ce soir et cette nuit, neige intermittente. Accumulation de 2 à 4 cm. Des vents de 20 km/h avec un minimum de moins 11. Refroidissement éolien à moins 18 le soir et moins 11 durant la nuit. Pour ce qui est le vendredi, neige 500 en après-midi, généralement nuageux par la suite avec une accumulation de 2 cm, maximum plus 1, et pour la nuit, nuageux avec un minimum de moins 3. Et pour ce qui est le samedi, le 5 janvier, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 1, et pour la nuit, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige avec un minimum de moins 6. Également pour ce qui est du sport, on va s'en jaser un petit peu parce que ce soir, on a la chance d'avoir deux matchs sur nos antennes, alors aux antennes respectives, autant sur nos ondes au 106.9 qu'également sur notre site web. Alors, les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Canucks de Vancouver sur le coup de 19h30 ce soir. Ça se passe sur les ondes du 106.9 Mauricie avec Danny Dubé et Martin McGuire avec un avant-match à partir de 19h. Et les Cataractes de Shawinigan Il joue également ce soir, et ça, ça se passe sur le fm1069.ca. Ils reçoivent la visite des Titans d'Acadie Batters à compter de 19h, avant-match sur le fm1069.ca avec Claude Boucher et Steve Turcotte à compter de 18h45. 13h31, on enchaîne avec la prochaine entrevue. Entrevue extrêmement intéressante. Je vais faire un petit rappel. Le Dr Mayou avait déjà dit de Rembo Gauthier qu'il était le plus grand leader naturel de l'heure. Et il avait fait réagir pour ses propos concernant François Legault, le nouveau premier ministre du Québec, également sur ses propos par rapport aux travailleurs de la construction qui viennent de l'Ontario et qui pourraient s'en venir ici même au Québec. Rembo Gauthier, n'y allait pas de main morte, avait des propos qui étaient assez controversés, a pris la peine de téléphoner donc à Catherine Godreau pour avoir une entrevue avec elle, et Catherine a beaucoup apprécié, ça a donné un excellent moment. On se rejoue ça et on s'en reparle par la suite. Ça fait 2 jours qu'on souhaite lui parler. Très heureuse qu'il a accepté l'invitation. Il a fait beaucoup réagir cette semaine, notamment avec ses déclarations sur François Legault, ce que François Legault a dit par rapport aux travailleurs aussi de la construction, les travailleurs ontariens. Mais il a fait jaser chez nous aussi. On a même ouvert les lignes. Il a eu beaucoup d'appui, d'ailleurs, sur cette antenne. Voici en condensé ce qui s'est dit concernant Bernard Gauthier, qu'on reçoit à l'instant. Moi, Rembo Gauthier, en termes de leadership, j'avoue que ça me rejoint pas tant que ça. Est-ce que je considère que c'est un grand leader au Québec? Là-dessus, j'ai une opinion qui diverge de la vôtre. Je pense pas. Mais écoute, c'est moi, là. J'affirme et je répète. Oui. C'est le plus grand leader naturel de l'heure. Ben, c'est ça, mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Là. François Legault aurait vraiment avantage à prendre très au sérieux l'avertissement viril qu'il a publié sur son Facebook. C'est que vous faites référence à quelqu'un dont on a dénoncé les pratiques sur des chantiers de construction, qu'on a dénoncé le fait qu'il intimidait des travailleurs, bien qu'il nous a dit que c'était pas le cas, là. Est-ce que quelqu'un qui intimide des gens sur un chantier de construction est un grand leader naturel? Ce qu'il défend, je suis d'accord. C'est la façon dont il adresse les choses et c'est ce qu'il est. En fait, je vais vous l'expliquer mieux ça. Ce gars-là me donne la chienne. OK? J'ai peur de cet homme-là. C'est pour ça qu'il va être en avant. Voilà! Moins intimidateur. Mais attendez, Chantal, c'est intéressant, là. Vous voulez avoir comme leader quelqu'un qui donne la chienne, puis je sais que c'est pas beau comme expression, qui me donne froid dans le dos, c'est ça que vous voulez comme leader? Monsieur Gauthier, bienvenue dans cette émission. Très bien, salut. Bonjour, Monsieur Gauthier, merci d'être là. Ça a été long. Pourquoi vous avez dit non, là? On vous a appelé mardi, puis je voulais vous parler. Pourquoi vous avez dit non mardi? Ben, j'en aurais quand même assez chargé. OK. Hier, je passe en cours pour des choses à pêche océan, parce que j'avais pas le temps. OK. Mais j'ai refusé beaucoup d'entrevues parce que je ne calculais pas que c'était vraiment nécessaire. Moi, j'avais dit que j'avais dit sur le Facebook. Oui. Sauf que tu m'as interpellé. Oui. Moi, tu m'intriguais, là. Oui, allez-y. Tu m'as demandé, là. Allez-y. Comment je peux faire pour te faire un froid dans le dos quand tu ne me connais pas du tout? Ben, en fait, c'est... OK, allez-y, complétez. Je vais répondre par la suite. Ben, c'est parce que, tu sais, on se connaît pas. Non. Je t'ai posé une question hier par Facebook. Ouais. T'as envoyé un message, je pense que tu l'as lié en onde. Hein? Oui, exactement. Puis après ça, on a su qu'on se parlait aujourd'hui. Alors, je me suis dit, on va se répondre. On va pouvoir se jaser en onde. En fait, M. Gauthier, je vais vous l'expliquer. Je suis content parce que j'ai dit, ben écoute, elle va avoir la journée pour faire ses recherches nécessaires. Oui. Puis, je réitère mes questions. La question était quand même assez claire. Oui. Qui, où, comment? Bien, M. Gauthier, je me trompe-tu, à la commission Charbonneau, vous aviez admis à l'époque avoir intimidé un contremaître de la firme Équipement Nordique. Ça, c'est début 2009. OK, je reviens en arrière. Est-ce que mon information est incorrecte? Bien, intimider, c'est quoi t'entends par intimider? Parce que, ça, sérieusement, là... Y a-tu eu des accusations? Puis j'étais bien honnête là-dedans. Puis son interlocuteur, M. Doc Mayou, là, quand il parle de virilité, une discussion virile, c'est pas nécessairement juste sexuel. Là. Non, mais on est d'accord, virile, on est d'accord, M. Gauthier. Je l'ai même corrigé. On se dit les vraies choses. Puis je suis forcé de te dire qu'à l'époque, ça fonctionnait autant d'un bord que de l'autre, parce qu'il y en a qui sont capables de mettre le point sur la table, madame Malmou, et dire Bernard, t'es dans le champ. OK. Mais ça, c'est pas dit, ça. Mais... La discussion virile, normalement, ça se fait entre deux individus. Ça, on est d'accord et là-dessus. C'est tant que ça se déroule. De là à dire que ça crée un froid dans le dos, c'est un criminel. Non. Attendez. M. Gauthier, premièrement, j'ai jamais dit, que vous étiez un criminel. J'ai pas dit ça. Hier, vous avez dit sur votre Facebook, elle a parlé de moi comme un tueur en série. Non, je vous explique. C'est que dans la façon, évidemment, je connais la personnalité publique. C'est vrai que je vous connais pas personnellement et vous ne me connaissez pas. Mais je vous suis sur Facebook, je regarde vos publications. question. Et quand on vous voit dans les médias, on voit un homme qui, tu sais, qui dégage une forte personnalité, qui, dans ses propos, moi, ça m'intimide dans le sens où, quand je disais hier que vous me faites peur, oui, M. Gauthier, ouais. Dans la façon de ce que vous dégagez, j'ai l'impression que ça dégage un peu de violence. Peut-être que je me trompe. T'es pas un peu fragile, Catherine? T'es pas un peu fragile, Catherine? Peut-être. De là, donner froid dans le dos. Ouais. Tu sais, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai une famille, un frère, une mère, un père. J'ai des amis, j'ai une vie, moi, en dehors de ça. Là. J'en doute pas. Moi, l'image qui a été projetée, je te le dis, je te le précise, là, j'ai rien demandé de ça. Là. Ça a débuté en 2009 avec l'émission Enquête. Ouais. Et, les lunettes fumées, la coupe Mohawk, le ralenti quand je mange ma gomme. J'ai été à l'émission Charbonneau. Même moi, ça m'a donné la chienne, tu comprends? Ah oui? Mais, tu sais, toi, t'as une autre histoire, Catherine. Ouais. Puis ces gens-là te font confiance. Puis, ouais. Quand toi, tu vas dire des choses de même, qu'est-ce que tu penses que ces gens-là pensent de moi sans me connaître? Oui, mais après. Il y a un problème au Québec. Oui, mais M. Gauthier. J'ai lancé le défi à quiconque, là. Trouve-moi qui, où, quand. La Sûreté du Québec, ici, dans les 4 MRC, il n'y a pas personne qui nous a tenté d'appeler pour savoir si c'était vrai ce qu'il disait. Mais... Il me semble que si je bats du monde, j'arrache des têtes, je casse des voix. Il y a quelqu'un quelque part qui serait supposé être au courant. Oui, mais M. Gauthier... Là, il y a une image qui a été créée par les médias à partir de 2009. C'est le show, là. Ça, c'est une belle de cirque. On va se servir de ça de temps en temps quand on n'aura pas de nouvelles. M. Gauthier, va faire un show avec ça. Tu sais, moi, j'ai une vie, là, puis... Je comprends, là. Monsieur Gauthier, je comprends votre point. Tu vas parler avec le monde du site, puis ils vont dire, là, c'est un clown, moi, d'un party. J'ai du fun, puis je m'amuse. Puis... Mais quand tu veux te projeter une image de monstre à quelqu'un, puis surtout par les biais des médias aujourd'hui, c'est dur de combattre ça. Oui, mais Monsieur Gauthier. C'est ma personnalité, puis je vais toujours être ce que je suis. Oui, vous avez le droit, mais moi, ce que je dis. Oui, mais. Monsieur Gauthier, j'ai pas de problème avec ça, puis tant mieux si vous êtes intègre. Mais même dans vos publications sur Facebook, dans la façon dont vous exprimez, est-ce que vous ne rajoutez pas à ce que vous dénoncez? Donc, l'image qu'on dépeint de vous dans les médias, est-ce que c'est une image qui est complètement fausse ou vous venez un peu y rajouter avec vos publications? Tu sais, vous êtes parfois très virulent, même à l'endroit de François Legault. Tu sais, vous rentrez dedans. Puis c'est correct, vous êtes comme ça. Mais l'image que ça donne, Monsieur Gauthier, ça donne l'image d'un homme qui est prêt à tout. C'est pour ça que c'est ce que je disais. Non? Ben... Ça fait des années que je suis prêt. Quand je vais atteindre un but, je travaille pour le faire. Oui. Là, je viens encore de sortir d'une semaine de comparution, là, des poursuites, là, suite au blocus qu'on avait eu à l'entrée de la Romaine, à Pessamite, puis à Mariotana, à Massatil. Les policiers sont venus témoigner, la sécurité industrielle du Québec est venue témoigner, puis ils en ont témoigné que c'était une des plus belles manifestations qu'on a jamais vues, pacifique au bout, les sourires, les poignées de main, tout le monde était heureux là-dedans, puis on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Et ça dépend toujours de la façon que vous le projetez. Vous autres, vous avez le pouvoir d'avoir la radio, la TV, les journaux, pour dire ce que vous voulez. Puis on s'entend que quand c'est trop beau, c'est pas winner. Il faut que ça soit sensationnel, ça dépend. Je suis pas d'accord avec vous. Non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Gauthier. T'sais, je vous fais pas nier ce que vous êtes aussi. Je vous pose la question sur les chantiers là. Puis t'sais, vous défendez vos gars puis vos filles. Puis j'ai été la première à le dire. Puis je comprends parce que je le sais que c'est pas évident. Mais sur des chantiers de construction là, êtes-vous à 100% honnête en me disant que ça a jamais brassé, qu'il s'est jamais rien passé d'intimidation sur des chantiers, que ce soit vous impliquant ou à l'extérieur? Non. C'est toujours de la façon que toi, tu vas l'interpréter. Okay. Si je m'assieds comme un gars, je m'assieds comme ce que je t'ai écrit, l'entrepreneur qui traitait mes travailleurs comme de la marde. Oui. Lui, c'est sûr que de la façon, quand je lui ai dit que c'était un astic plein de marde, là, c'est sûr que de la façon, bien sûr, que j'avais, probablement que c'est senti intimidé. Ça dépend toujours de la personne à qui tu parles. Okay. Alors, on est rendu loin, là. Je te touche pas, je te menace pas de t'arracher la tête, je te confirme que t'es un plein de marde. Puis ça l'a intimidé. Tu vois, Catherine, c'est là. Ça part où, ça arrête où? Puis ça a donné en même temps que c'est en même temps que ça a commencé à se publiciser l'histoire d'intimidation dans les écoles, qui est tout à fait déplorable. Ouais. Mais ça a tombé en même temps, ça a fait grossir la chose en double et en triple. Okay. C'est sûr et certain, Catherine, gars, puis oui, puis je m'en cache pas, c'est je suis médias sociaux partout. Ouais. Quand j'ai de quoi dire, je fais pas dans la dentelle, je le dis en cas de Dieu. Puis tu vas me comprendre quand je vais te dire. Ah oui. Comme toi, t'as le droit de le faire avec moi. Oui, mais en fait, M. Gauthier, je veux juste démêler des choses, là. Tu sais, quand je l'ai fait ça, puis je suis à l'aise de vous en parler ce matin, c'est pas personnel. Quand j'ai dit ça, je l'ai dit parce que je le ressentais. C'est vrai que je vous connais pas personnellement. Puis savez-vous quoi? J'aimerais ça que vous veniez vous asseoir en studio pour... Est-ce que je suis dans l'erreur? Ça se peut que mon jugement sur vous soit erroné. Ça, c'est possible. J'exclus pas ça. Mieux, Catherine. C'est super, Catherine, ce que tu fais le matin. Pourquoi t'as pas pensé à ça avant? Parce que je vous ai demandé en entrevue, vous m'avez dit non. Je voulais le faire avant, M. Gauthier. Mais ben moi, non, ben là, c'est parce que j'ai dit, là, faut que je la sauve. Là. Je peux pas écrire un choix dans le dos. Oui, alors entrevue de, je m'en ai dit Robert plutôt, de Rainbow Gauthier avec Catherine Gaudreau dans l'émission Que la Mauricie se lève, et il le disait, il fallait qu'il la sauve, mais ça serait intéressant, je pense, que Rainbow Gauthier vienne s'asseoir en face de Catherine Gaudreau, qu'il puisse se parler, avoir un échange, une espèce de grande entrevue avec Rainbow Gauthier, un personnage qui est assez polarisant, et je le rappelle, le Dr Mayou l'avait nommé le plus grand leader naturel de l'heure. Alors excellente entrevue que vous pouvez retrouver évidemment sur le fm1069.ca dans la section Que la Mauricie se lève dans nos émissions respectives. Sur le coup de 13h42, on part en pause. Dernière entrevue. Alors déjà la dernière pour cette deuxième émission spéciale. Mais non la moindre. Effectivement, mais non la moindre. Alors on parle avec Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada. Il avait beaucoup de choses à dire et on se rappelle le 23 octobre, plutôt le 25 octobre, pardonnez-moi. 25 octobre 1993, il avait été élu premier ministre du Canada. Le 25 octobre 1993, eh bien là, le 25 octobre 2018, Catherine Gaudreau lui avait parlé 25 ans plus tard pour cette célébration. Qu'est-ce qu'il en disait? Vous allez l'entendre après la pause. Exclusivité 106.9, Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin, seulement au 106.9 Mauricie. Bon midi, dernière minute de l'émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Les meilleurs moments de Que la Mauricie se lève, également de l'émission Midi Plus avec Catherine Gaudreau et Robert Pilote. Dernière entrevue avec Jean Chrétien, celle-ci. Et ne vous inquiétez pas, vous allez nous retrouver donc demain entre midi et 14h pour d'autres meilleures entrevues dans le domaine sportif, dans le domaine politique et dans le domaine du showbiz. Alors, je le disais, entrevue avec Jean Chrétien. Catherine lui avait parlé. On se ramène dans le temps. 25 octobre 1993, Jean Chrétien était élu premier ministre du Canada. Il devient le 20e premier ministre et va accomplir quelque chose d'assez impressionnant, 3 mandats consécutifs à la tête de gouvernement majoritaire. Il a raconté ses meilleurs souvenirs politiques dans son livre qui s'appelle « Mes histoires ». C'est disponible partout et il s'était entretenu avec Catherine Gaudreau le 25 octobre dernier, donc 25 ans après le fameux 25 octobre 93. Voici ce que ça donnait. Jean Chrétien, là. Bonjour, M. Chrétien. Bonjour, madame. M. Chrétien, pensez-vous qu'on va revoir ça, 3 gouvernements majoritaires consécutifs? Allez-vous être le dernier, coudon? Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il n'y a eu que Laurier qui avait eu 3 gouvernements majoritaires consécutifs. Aucun autre en avait eu depuis la Confédération. Ouais. Alors, ça peut arriver très souvent. Alors, ça va peut-être prendre du temps. Ça peut peut-être arriver avec M. Trudeau. On ne sait jamais ça. Mm-hmm. D'une élection à l'autre, les choses surprenantes arrivent. Vous avez une longue carrière politique, M. Chrétien, mais cette fameuse journée du 25 octobre 1993, dans les premiers souvenirs qui vous reviennent en tête, qu'est-ce que vous gardez en mémoire, notamment, de cette journée-là? Eh bien, beaucoup de satisfaction. Comme vous le savez, j'avais été élu député 9 fois avant. C'était ma 10e fois. Et là, en plus, j'étais élu premier ministre du Canada. Ça faisait un lourd. Et seulement, j'étais aussi face à la tâche de mener le pays. Alors, c'était une certaine anxiété devant l'ampleur de la tâche. Mm-hmm. Mais j'étais calme. J'avais l'expérience. Parce que moi, avant de devenir premier ministre, j'ai été élu 9 fois député. J'avais été 20 ans ou ministre ou chef de l'opposition avant, alors j'étais peut-être très bien préparé comparé à d'autres pour faire face à la musique. M. Chrétien, tout au long de votre carrière, avez-vous eu l'impression souvent d'être sous-estimé ou d'être regardé de haut par plusieurs? Avez-vous gardé ça? Bah, écoutez, je vais vous dire oui, puis c'était, ça ne me déplaisait pas. Parce que moi, mon attitude en politique, c'est que j'étais considéré comme quelqu'un proche du peuple. Ouais. Alors, quand les snobs me regardaient de haut, ça me faisait sourire parce que ça faisait plaisir aux gens qui étaient confortables avec moi. Et j'avais pas besoin de montrer mes lettres de créance à ces gens qui ont tendance très souvent à regarder les autres de haut. Ils possèdent la vérité tranquille. Et bon, on les laisse faire. C'est leur façon de vivre. Ouais. Et ça ne me dérange pas vraiment. Aux élections de 93, M. Chrétien, c'était particulier parce qu'on se rappelait tout à l'heure un peu l'historique. Bon, vous aviez été élu premier ministre. Le Bloc québécois avait fait élire 54 députés. Ça avait été toute une défaite cinglante pour les conservateurs. Mais le pays était très fragmenté. Pensez-vous qu'on va revivre ça, une période comme celle de 93, un pays justement qui est fragmenté dans différentes provinces? J'espère que non, mais à l'époque, le Bloc est devenu l'opposition, mais le pays s'est réuni très rapidement et je n'ai pas eu de difficulté à gouverner à cause de ça. Le gouvernement du Québec était péquiste et puis après, on faisait notre travail, puis ils faisaient leur travail et je pense que ça peut être, il y a eu un référendum dans cette période-là avec une question qui était un peu ambiguë et sinon complètement ambiguë. C'est pour ça qu'éventuellement j'ai fait un projet de loi pour forcer n'importe qui veut faire un référendum au Canada sur l'indépendance devra poser une question claire, ce qui est juste honnête. Voulez-vous vous séparer, oui ou non? Mm-hmm. Pas besoin de mettre voulez-vous être pour la maternité contre le péché au cas où et tout ça. On pose une question qui est claire et nette et les gens répondent de façon claire et nette, pas dans l'ambiguïté. Ouais. Alors, et là, ben, le pays, c'est ça. Ce n'est plus à l'agenda, ces problèmes-là, et puis bon, ça rend la vie plus facile au gouvernement. Mm-hmm. M. Chrétien, il faut parler de ce livre, « Mes histoires ». Vous le dites, ce n'est ni mes mémoires, ni un livre d'histoire. Ce sont des épisodes, des choses que j'avais le goût de raconter. Alors, ce n'est pas officiellement, M. Chrétien, une autobiographie, là. Non. Ce qui est arrivé, c'est que, comme je l'ai écrit, j'étais... quand je suis avec des gens, beaucoup de gens me posent des questions sur ma carrière. Seulement moi qui étais 40 ans en politique, 30 ans membre du cabinet, dont 10 premiers ministres. Alors, les gens sont curieux, c'est normal, ils me posent des questions et puis je leur raconte toutes sortes d'anecdotes. Et un jour, un de mes petits-fils, Olivier, me dit, écoute, grand-papa, ces histoires-là, ça va se perdre. Et il dit, pourquoi tu n'écris pas ça pour nous? Et puis, ben, je ne suis pas un écrivain, mais je vais essayer. Et puis là, j'ai commencé, puis d'un coup, j'ai réalisé, j'étais rendu à 25, 30, 35, 40, 45, et puis là, ben, ils m'ont dit, pourquoi tu fais pas un livre avec ça? Mm-hmm. Alors, c'était que, comme j'ai dit, pour avoir la paix, j'écoutais une nouvelle, ça me tombait sur les nerfs, voilà les niaiseries de M. Trump. Alors, je m'en allais à ma table de travail avec mes souvenirs, ma plume, puis mon papier, et puis j'écrivais, et tout ça, j'ai écrit ça à la plume, sur du papier, et les gens des archives, ils ont dit, c'est la dernière fois qu'un livre s'écrit comme ça. Ouais. Ils veulent l'avoir pour le garder en archive. Ils ont dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent à la plume aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'avais mon dictionnaire au côté, j'écrivais lentement, et ça a fait un livre, et puis ils ont fait un... Et là, ben, on verra si les gens... C'était pour distraire. C'est des anecdotes, c'est des incidents, aussi des commentaires sur l'actualité. Ouais. Quand arrivé le début de la semaine, je me disais de quoi je vais écrire cette semaine, parce qu'un peu dans l'esprit que doit avoir un chroniqueur qui fait une chronique par semaine dans un journal, disons Baudouin ou Nouvelliste, il écrit une fois par semaine. Alors, il cherche un sujet sur quoi écrire. Mm-hmm. Il n'est pas sur les ordres de quelqu'un de choisir des sujets, il choisit lui-même. Alors, moi, je t'abreille. Ouais, et ça fait un livre, et puis ben, ceux qui le liront... ils auront, j'espère, du plaisir parce qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Oui, c'est ça, exactement. Ben, pis c'est, ben oui, mais c'est ça. C'est ce que vous êtes aussi. La tension qui existe, puis la partisanerie excessive, il y a deux choses qui me plaisent. C'est que c'est Joe Clark qui a écrit la préface de mon livre. Oui. Il était mon adversaire pendant des années, mais on était des adversaires, mais nous n'étions pas des ennemis. Mm-hmm. Et il était premier ministre, j'étais dans l'opposition. Ensuite, même il était chef des conservateurs contre moi en l'an 2000. Et, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de succès. On a toujours resté des gens très civilisés l'un et l'autre. Et puis. Oui, alors résumé de la conversation entre l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, et Catherine Gaudreau dans l'émission Que la Mauricie se lève. Ça se passait le 25 octobre dernier parce qu'on fêtait son 25e anniversaire à titre de justement premier ministre du Canada. Ça s'était déroulé le 25 octobre 1993. Alors c'est déjà la fin pour nous, Mathieu, pour l'émission des meilleurs moments. Ça le fera encore. Mauricie, oui, encore beaucoup de plaisir et on se revoit demain à, en fait, entre 11h, plutôt entre, pardonnez-moi, entre midi et 14h, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et à 14h, donc aujourd'hui, on poursuit la la programmation officielle avec Entre nous avec Sylvain Ménard. Sur le coup de 15h, le Québec maintenant, spécial des fêtes 2018 avec Marie-Claude Lavallée. Sur le coup de 17h30, les amateurs de sport avec Jérémy Rainville. Sur le coup de 19h, le hockey des Canadiens de Montréal avec Danny Dubé et Martin McGuire avant match. Sur le coup donc de 19h et le match débutera à 19h30. Ne manquez pas les Cataractes de Shawinigan, ça se passe sur notre site web, le fm1069.ca. Les Cataractes de Shawinigan qui reçoivent le Titan d'Acadie Bathurst ce soir avant match à 18h45 avec Claude Boucher et Steve Turcotte. Et on termine la soirée avec Bonsoir les sportifs avec Derek Aucoin à 22h. Ça complète la programmation du 106.9 Mauricie. Pour vous dire qu'on se reparle demain. Dernière fois entre midi et 14h. Ça va être moi, Claude Boucher et Mathieu Plante à la réalisation de l'émission. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne année, de la santé, de l'amour, du bonheur et de l'accomplissement professionnel et personnel, tout ce que vous voulez. Wow. Mathieu Plante et Raphaël Pepin qui vous retrouvent demain. À demain.